Il est à peine 17h à Montréal en direct dans la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai l'immense honneur, l'immense bonheur, l'immense privilège ce soir d'être entouré de Jean-Sébastien Girard. Allô! Allô pour la deuxième fois. De Fred Savard. Bonsoir. D'Olivier Niquet. Salut. Et de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore... Ah, quel beau dimanche! On est extrêmement anxieux de vous recevoir. D'ailleurs, Jean-Sébastien a commencé à parler avant même que l'émission commence. Ben oui. Que vous êtes excités, messieurs. Maudit beau programme pour vous ce soir. Quel beau programme! On passe la première heure avec le petit prodige de sa génération, Gabriel Nadeau-Dubois. Ben oui. Hein, pour nous parler de son petit livre sur la révolution des classes ouvrières. On imagine que c'est ça, quoi donc? Pour vrai, à un moment donné. On espère qu'il va rester avec nous en deuxième heure parce qu'on a également François Bonnardel de la Coalition Avenir Québec. Oui. On va débattre éventuellement et on est très, très heureux de vous raconter la petite histoire pour les Y. Une histoire de quoi, Fred, cette semaine? C'est une petite semaine. Hein, ah. Mais en même temps, c'est les événements Georges-Étienne Cartier. Georges-Étienne Cartier? Oui, un fondateur quand même du Canada. Et deux personnes viennent de quitter le bar. Oui, alors désolé. Non, non, mais c'est même pas une blague. Hein. De jeunes personnes, évidemment. Ils sont partis jouer aux jeux vidéo, j'imagine. J'espère que vous, à la maison, vous allez rester parce que ça va être très, très, très intéressant. Vous avez passé une belle soirée, messieurs, hier. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre week-end, Fred Savard? Moi, j'ai fêté 14 mois d'arrêter de fumer. Oh, ben vraiment, bravo, Fred Savard! Bon, là... Je dis pas ça pour avoir des applaudissements, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça que j'ai fait. Alors, je suis allé m'acheter un paquet, finalement. Non, j'ai été un petit peu offusqué par Pierre Curzi. Je suis allé revoir la scène avec Geneviève du salon de massage. Parce que vous avez joué hier, cette scène du salon de massage. Franchement, Sébastien, vous, là, ouais. Je veux dire, c'est très bon. Il était pas meilleur que vous. Ben, là, c'est pas un grand, grand comédien. Alors, je vois ça sur ça. Seigneur, on l'a pas dit hier, ça. Hein? Non, mais c'était pas super, je trouve. Mais c'était une belle scène. Vous étiez bon. Non, c'est pas ça que je veux dire. OK, bon. C'est tout? Oui, c'est ça. Vous avez insulté Pierre Curzi, c'est tout? OK, parfait. Je me suis couché tôt. Olivier, vous avez fait quoi, vous? Moi, je suis allé souper au Européa chef ça roule, Jérôme Ferrer. Ah oui? Ouais. Il respecte beaucoup le produit. Il respecte aussi ma carte de crédit. Je n'achèterai pas de iPhone 6, finalement. Ah non, hein? Non. Est-ce que ça coûtait si cher que ça? Oui. Est-ce que c'était avec votre épouse? Non. Oh. Ah mon Dieu, c'est spécial hein, comme vie quand même. Elle est dans c'est la bon, salle d'ailleurs en ce bon. Moment, on la salue. Ah, salut. Salut à l'épouse d'Olivier Niquet. On convoit rarement d'ailleurs. Jean-Sébastien Girard, vous avez fait quoi vous? Pas grand-chose, Jean-Philippe. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur Facebook. Comme d'habitude. Mais genre vraiment beaucoup trop de temps sur Facebook au point que je me suis dit, écoute, j'ai-tu un problème? Ben c'est clair que vous avez un problème. Peut-être que j'ai un problème de dépendance à Facebook. Alors je me suis dit, je vais peut-être tenter d'enrayer mon compte. Mais avant, j'ai fait une petite liste. Enrayer votre compte? Oui, voilà. Alors je me suis dit, je vais dresser une liste de tout ce qui me tombe sur les nerfs sur Facebook. Voir si j'ai suffisamment d'éléments pour que ça soit intelligent que j'annule mon compte. Alors je vais les partager avec vous. Alors il y a quand même plusieurs pages. Oui, allez-y. Alors bon, tout d'abord, parce que je suis écœuré que les baby boomers soient si présents sur Facebook. Okay. Évidemment, j'ai rien contre les baby boomers, mais j'ai tout contre leur statut. Écrit en cap lock, sans ponctuation, avec des bonhommes sourires et des rangées de petits points à la fin de leur message. Ça, c'est ma mère, ça. Oui, c'est la mienne aussi. Allô, maman. Qu'on salue. Ah, voilà. Parce que je suis exaspéré de lire que je suis un vrai ami seulement si je partage pendant une heure un mot niaiseux avec une image LED pour soutenir ceux qui combattent le scorbut. Parce que, Jean-Philippe, je suis désespéré de voir des gens qui, dans la vie, j'aime vraiment profondément, que j'estime... Mais rassez-vous la gorge, là. Alors, voilà. Donc, c'est... Je ferai pas un like sur ce dernier bruit. Hein. Alors, sincèrement, des gens que j'aime beaucoup, ça me désespère de les voir liker les statues de Timmy Paré, de Julie Snyder ou de Judy César. Parce que je suis de plus en plus inconfortable de voir mon grand-père ou ma marraine cliquer sur « Voyez ce qui est arrivé à cette jeune cocu lorsqu'elle a appris que son chien sale de mari l'avait trompé. » Parce que, Jean-Philippe, je suis de plus en plus humilié de me réveiller le lendemain d'une brosse et de me rendre compte que j'ai commencé des conversations confuses avec du monde que je connais pas vraiment juste parce que j'avais envie de coucher avec. Oh! Hey, Jean-Sébastien! On est dimanche 5 heures. Hein? C'est une case horaire familiale. Hein? Parce que je suis outré de voir vos tabarnages d'échographie comme photo de profil. Man, un utérus, c'est quelque chose d'intime. Oui. Parce que, Jean-Philippe, surtout, je suis plus capable de voir des photos d'une chasse au trésor qui vise à retrouver une tasse cachée à l'effigie d'une émission de radio matinale. Non, Jean-Philippe, À 39 ans, je ne vais pas quitter mon travail pour aller chercher une tasse au parc en Grignon. Vous n'allez pas quitter votre travail, vous allez le perdre. Parce que je suis exténué de voir des gens partager des articles de Marie-Claude Lortie. Parce que ta géolocalisation dans un gym, je m'en fous, avec un petit bonhomme sourire, trait d'union, motivé. Vous pouvez bien parler, vous. Vous arrêtez pas de vous géolocaliser partout. Moi, je... Ah, ben il y a des gens qui applaudissent, là. On n'en peut plus de ça. Tannés. Hey, je suis avec Gabriel Nadeau-Dubois à New York. Sacrément patient. On a du fun à New York, hein. Bon. On a vu des comédies musicales, toutes sortes de belles choses. Parce que je suis tenu, justement, qu'on me propose d'être ami avec des gens Martin Hossan, Sophie Durocher ou François Bonnardel. Parce que les photos de chats, parce que Lise Ravary, parce que l'urbanisme du plateau Mont-Royal, parce que les hashtags J'aime ma vie, parce que les Robin Williams, oh capitaine, mon capitaine, 250 fois dans la même journée, parce que les gagnants de la voix, parce que les questions du jour, et surtout parce que la page de la soirée est encore jeune, dans laquelle il y a juste votre Christie de photo à vous, Jean-Philippe, et pas celle des trois autres collaborateurs. Je like! Sur celle-là, je like! Ben, peut-être que votre sortie va vous permettre de répondre à votre problème. Vous n'aurez plus d'amis dès demain. Vous ne verrez plus personne, mon cher ami. Mon Dieu, que c'est bête, ça. Ouais. Ben, si vous voulez savoir ce que moi j'ai fait, ben, c'est pas hier, c'est ce matin, mais ou cet après-midi même. J'ai gagné un gémeau avec deux hommes en or. Dans vos dents. Okay, merci. Wow. Ben. Personne n'applaudit. Non. Olivier, parlez-nous donc de l'Internet un peu. Là. Oui, on va faire ça plus télégraphique aujourd'hui. Alors, pour assister à l'émission, vous réservez sur notre site radiotraditioncanada.ca/la soirée. On est sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune. Et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radiotraditioncanada.ca. Et notre question du jour porte sur l'Écosse aujourd'hui. Les médias nous bombardent de nouvelles sur le référendum qui s'en vient là-bas. Je me demande, vous, avez-vous une opinion sur le référendum en Écosse, même si vous ne connaissez absolument rien sur l'Écosse? Ah, c'est une bonne question, c'est quand même, hein? N'est-ce pas? Merci beaucoup, Olivier, c'est très, très gentil. Est-ce qu'on accueille notre premier invité? Non, avant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portatives, tiens. Ah, Fred Savard, le Raymond Archambault de sa génération. Je vous l'ai dit hier, je ne suis pas péquiste. Oui, oui, on a entendu ça. Oui. Écoutez, dans un mémoire resté très secret, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les chefs de police du Québec qui craignent un autre printemps érable si les libéraux vont de l'avant avec l'austérité. Oui, le mémoire remis au gouvernement Couillard s'inquiète du fait que la grogne des policiers au sujet de la loi 3 les empêcherait de se bûcher entre eux si jamais il y avait des soulèvements populaires. Ouais. Et je pense qu'on peut calmer les chefs de police. Les soulèvements populaires ne devraient pas trop les inquiéter. Les beaux programmes de télé de l'automne sont déjà commencés. Puis c'est-tu bon, hein? Ah. Avez-vous vu une nouvelle adresse? Je n'échangerais pas nouvelle adresse pour une révolution. Ah non, moi non plus. Jamais de la vie. Hey, je m'ennuyais de Macha Grenon. Moi, j'avais oublié que je m'en ennuyais. Ben, moi aussi encore, j'ai cru, mais franchement, on oublie. Enfin, on va arrêter tout de suite parce qu'on n'a vraiment plus d'amis. Austérité oblige, le gouvernement du Québec pourrait faire une réingénierie du système de santé. Est-ce pas des blagues? Des informations filtrent à l'effet que de grands changements toucheront le système de santé, comme la fin de la gratuité des traitements de procréation assistée. Ouais. On se rappelle que c'est grâce à Julie Schneider que les couples infertiles ont pu profiter de la gratuité, mais les libéraux pourraient faire marche arrière. Alors, Mme Schneider et PKP devront donc fouiller dans sa poche à l'avenir. Dans la poche de Pierre Quand? Oui, dans l'avenir. Ou dans la poche d'un autre, ça fonctionne pas. Poursuit, okay, bon, on poursuit. Oh, grosse nouvelle, il y aurait moins de prostituées dans les rues de Québec. C'est ce que nous démontrent les chiffres du service de police de la ville de Québec. On a même vu une baisse des arrestations de l'ordre de 83%, mais qu'on se rassure, il y a encore plusieurs personnes qui offrent des services douteux en échange d'argent à Québec, mais ils sont tous au Parlement. Ouch. Humour social, nous changeons le monde. Une blague à la fois, Fred. Le pape François a célébré... Ben voyons non. Oui. Il a célébré 20 mariages au Vatican ce matin. Ce matin, c'est une pratique rare qui vise à souligner le prochain synode qui rassemblera 253 évêques et autres spécialistes du mariage et de la famille. Vous savez que les évêques en ont long à dire sur la famille. Dans 3 semaines, et résolument tourné vers l'avenir, on y discutera de l'interdiction pour les divorcés remariés de recevoir la communion. Il va falloir régler ce problème-là. Moi, j'ai des amis qui passent de très mauvaises soirées à cause de ça. Les hosties. Et pendant le synode, on va également dévoiler la nouvelle campagne de natalité officielle 2014-2015 du Vatican et son slogan « Faire la position du missionnaire avant le mariage, es-tu tombé sur la tête? » Alors ça, il y aura des macarons et des affiches qui seront distribuées un petit peu partout dans la chrétienté. J'ai très hâte de voir. Sinon, il y a le maire du village argentin où a vu le jour le footballeur Lionel Messi qui a annoncé un nouveau règlement. Oui, j'ai vu ça, il sera maintenant interdit aux parents de prénommer leur enfant Messi après qu'un père eut baptisé son enfant de la sorte. On veut ainsi préserver le caractère unique de la légende de Lionel Messi. Ben, je comprends. Et il est à noter qu'à Ville-Saguenay, il est interdit de prénommer son enfant Vautier. Merci. Oui. C'est le gala des prix Gémeaux ce soir, Fred. Oui, et comme vous savez, Jean-Philippe, j'ai déjà remporté le Gémeaux. Mais moi aussi, hein, ça fait... on est Pour l'émission? 2 hommes en or. L'année passée, ça oui, c'est... Oui, oui, oui. Mais j'étais dans cette émission-là, moi j'ai dit, oh non, j'ai gagné 2 Gémeaux. Ah! Ah! Quel edge. Alors, oui, alors ce soir, on surveille les émissions, les vraies émissions ce soir. On est pas hors d'onde. Alors, on surveille combien de prix remportera Série Noire, qui est nommée dans 16 catégories. Bravo, Série Noire. Oui, visiblement, il n'y a que les organisateurs des Gémeaux qui ont regardé Série Noire cette année. Eh bien, merci Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Frédéric. La météo. Hey! Quelque chose de spécial, une nouvelle icône à Prince George. C'est la première fois que ça arrive depuis que je fais la météo. Il y a de la brume sèche. La brume sèche? Oui, un cercle avec un nuage gris, brume sèche. Alors ça, là je vous le dis aux gens, là, vous le savez déjà, c'est des particules hygroscopiques qui sont dans l'atmosphère. Ouais. Bon, et là, j'ai pas le temps, malheureusement, là, le temps file, là, j'ai pas le temps de vous expliquer le phénomène avec mon gros diplôme en météorologie. Mais sachez qu'il fait pas beau à Montréal. Il fait 10 degrés, 11 degrés à Ottawa. Et dans les Maritimes, il fait 15 quelque part. Mais là, ma carte n'est pas précise. Alors, vous pouvez nous écrire, là, les gens des Maritimes, s'il fait 15 chez vous, on aimerait savoir c'est où exactement. Génial. Et Vancouver 24... Victoria 24, Vancouver 20, aucun nuage. Deuxième semaine que le sud de la Colombie-Britannique fait de beaux efforts. On les félicite. Bravo. Il fait beau là-bas. Les gens, ils savent quoi faire pour avoir du beau temps. Et on invite les gens à nous écrire pendant l'émission pour la circulation, s'il y a des bouchons où vous vous trouvez. Vous nous envoyez ça et on va pouvoir relayer l'information. Nous sommes une émission de service et je pense que c'est important de remplir notre mandat qui est de bien vous informer. Ben justement, pour ceux qui vivent à Montréal, il y avait la course de vélo. Ah. Et les rues étaient bloquées dans le coin de... Ah, il y a des gens qui applaudissent, qui sont très heureux de ça. Les amateurs de vélo. Et les rues étaient bloquées jusqu'à maintenant, donc vous pouvez recirculer sur l'avenue du parc. Enfin. Bon, et ça a été remporté par... je veux pas vous voiler vos sports, vous, Olivier. Simon Guérin. Oui, qui a remporté la course de vendredi également à Québec. C'est extraordinaire. C'est l'Australien. Incroyable. C'est l'Australien. Ah, mon Dieu, que c'est passionnant. Vous devriez voir ses cuisses. Ah, j'imagine. Il n'est jamais trop tard pour débattre notre juteux débat hebdomadaire où nous discutons d'un sujet de fond. Et cette semaine, on le sait, notre invité de ce soir, Gabriel Nadeau-Dubois, a publié un livre qui se veut un plaidoyer pour la gratuité scolaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui l'ont lu? Ouch! C'est un gros vendeur! Ouch! Alors, dans ce petit livre-là de Normand Bergeron à Noam Chomsky à Lise Payette, ils sont tous comme le petit Gabriel pour la gratuité scolaire. Donc, c'est tout à fait logiquement que nous posions cette question à nos deux débatteurs ce soir. Êtes-vous pour ou contre Gabriel Nadeau-Dubois? Ah, ça me semble... question pertinente. Ah, voilà. Olivier Niquette sera pour Gabriel Nadeau-Dubois. Je l'aime assez. Et... hey, une chose à la fois. Et moi-même, je serai contre Gabriel Nadeau-Dubois. Évidemment, vous êtes tellement bourgeois. Et le juge de ce soir sera Jean-Sébastien Girard. Oui. Vous serez l'arbitre. Absolument. Et c'est à vous de mener cette barque. Donc, vous faites commencer qui par hasard? Moi, parfait, je vais commencer. Alors, on vous écoute, Jean-Philippe. Alors, écoutez, j'aimerais tout d'abord dire d'entrée de jeu que j'aime beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois. Vraiment, c'est une personne polie, gentille, posée, respectueuse et bien élevée. Ce qui me fait penser, vous savez qui était poli, gentil, respectueux et bien élevé? Non? Le bonhomme carnaval? Joseph Staline. Oh! Le carnaval, moins le fun. Et vous savez ce qu'il a fait, Staline? Des choses pas belles. OK? Et c'est vrai, ce jeune homme qui a au moins déjà publié deux livres, si je ne me trompe pas, deux livres. Il y a 3 révolutions derrière la cravate, 4 carrières, 60 blondes au moins, une cinquantaine, ben là je dis 60, je ne l'ai pas vu récemment. Franchement. 50 couvertures de magazines et de journaux, 3 procès, et il a à peine 18 ans, mesdames et messieurs. Bravo, bravo. Franchement, là, ça c'est dû prendre une belle vie. Hein? Mais quand on prend 2 minutes pour y penser, là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir tout fait ça à peine 18 ans? Regardez un gars comme Fred Savard, 43 ans, il vivote, il n'a écrit aucun livre, n'a pas fait de magazine, a juste une blonde, n'a aucun procès sur le dos et n'a que son Gémeaux remporté il y a un siècle. Deux Gémeaux. Pour le réconforter. Comment voulez-vous que des gens comme ça se sentent en comparaison de Gabriel Nadeau-Dubois? C'est de la marde. Et avec raison. Écoutez, je pourrais continuer, je sais qu'Olivier... Ouais, ça va être au tour d'Olivier, je pense. Ben ouais. Hey, mon Dieu, vous êtes pas un bon... Il a fallu que je m'arrête moi-même. Ben, je savais pas que je devais faire ça aujourd'hui. Ah, vous saviez pas? Non, alors Olivier, maintenant... Oui, ben moi, je suis pour... Pourquoi il faut aimer Gabriel? Ben moi, je suis pour GND d'abord parce qu'il n'est pas Léo Bureau-Blouin, donc... parce que... J'ai rien dit encore. Parce qu'il ne s'est pas présenté en politique. J'aurais été contre lui s'il s'était présenté en politique parce que, tu sais, un Québec communiste, moi, je veux pas de ça. Mais il a eu l'intelligence de rester confortablement dans son salon à dénigrer ses anciens collègues qui se sont lancés. C'est tout à son honneur. On manquait justement de gérant d'estrade. Et d'ailleurs, je suis pour GND pour son incroyable résilience. Là, je suis sûr que vous, Jean-Philippe, là, vous survivriez pas plus de 2 semaines face à Lise Ravary. Le fait qu'il n'est pas encore sombré dans une profonde dépression, là, ça démontre qu'il est très fort entre les deux oreilles. En plus, là, il poursuit ses études. Il s'est pas laissé attirer par l'appât de la célébrité. Vous, vous avez lâché l'école pour devenir une semi-vedette, puis regardez où ça vous mène. Qu'est-ce qui ferait mes amis des radios de Québec sans Gabriel Nadeau-Dubois pour se défouler? Hein? Et moi, qu'est-ce que je ferais sans mes amis de la radio de Québec? Je serais rien, Jean-Philippe. Je sais, sans extra, vous seriez rien, Olivier. C'est pas tout. Sans GND, là, qui s'est battu pour éviter la hausse des frais de scolarité, les étudiants pourraient même plus mener la belle vie en buvant de la sangria sur une terrasse. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Non, sûrement non, pas. Hein? Ça ne m'intéresse pas. J'ai fini mes études, ça fait longtemps. En plus, GND, là, il sauve des vies. Parce que sans lui, là, Lynn Beauchamp n'aurait jamais décroché son nouveau boulot à l'UNESCO. Elle serait probablement encore au gouvernement entre le Dr Barrette et le Dr Bolduc. C'est GND qui l'a sauvé. Puis enfin, là, GND, c'est tout ce qui nous reste pour nous faire croire que les jeunes de nos jours sont pas si pires que ça. Il est articulé, il est idéaliste, il a écrit des livres, pas des textos avec 12 000 fautes, plein d'abréviations qu'on comprend pas. Il nous donne l'illusion que sa génération n'est pas complètement débile. Comme ça, on peut attendre la fin du monde sans trop déprimer. Ah, ça me fait du bien. Jean-Philippe, dans votre section « Autres arguments », j'en ai quelques-uns qui sont assez forts. Vous savez, Gabriel Nadeau-Dubois est ce gendre que toutes les belles-mères désirent. Hein? Moi, je me suis fait dire ça par beaucoup de madames qui voudraient bien avoir Gabriel Nadeau-Dubois comme gendre. Malheureusement, c'est pas possible, il n'y en a qu'un. Hein? Mais de toute façon, dites-moi, mesdames et messieurs, depuis quand on aime ça, les belles-mères? Depuis quand on trosse ça, des belles-mères, pour avoir des commentaires sur des gens? Je pense qu'on s'éloigne un peu du débat. Là. Oh non! Moi, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, contrairement à ce que Olivier disait, quand il prend toute la place médiatique, il en enlève à d'autres. Et là, je reviens sur Fred Savard. Regardez Fred Savard, 43 ans. Il vivote. Non, mais justement, il en enlève à d'autres, puis ça dilue la pression sur la gauche radicale. Sinon, là, Amir Kadir, il survivrait pas si tout le monde bâchait sur lui. Mon Dieu, c'était bien compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'était très sérieux. Et hein? Vous, Fred Savard, est-ce que vous voulez ajouter votre grain de sel? Ben non, mais là, Jean-Philippe le fait très bien à ma place. Je vivote pas du tout. Hein. J'ai une vie extraordinaire. Ah oui? Oh, ouais, de toute façon, c'est pas moi le débat. Là. C'est Gabriel Nadeau-Dubois. Ben moi, j'ai plus rien d'autre à dire, sinon que regarde, j'ai essayé de commencer à lire son livre. Ah oui? Ouais. Et puis? Ben c'est pas lisable, cette affaire-là. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, Jean-Sébastien Girard. C'est surtout que ça parle pas de vous, c'est pour ça que vous avez arrêté. Ben moi, j'aurais plus d'autres arguments. Hein. Normalement, le meneur de jeu, il fait le tour. Mais je pense que j'ai fait le tour, mais Fred refuse de Non, il y a un vote tour aussi, Jean-Sébastien. Moi, j'adore Gabriel. Bon. Il fait un excellent couscous au chop de porc. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai. Ah, au chop de porc. Ouais. Couscous ben là, au chop de porc, me semble que ça marche pas ensemble, ça. Ben oui. Encore peu importe, là, je vais reprendre les rênes parce que visiblement, c'est Jean-Sébastien est complètement perdu. Alors, je vais faire un rapide tour de table pour savoir qui vous pensez à gagner le débat. Jean-Sébastien, qui, selon vous, a remporté le débat? Et là, ne prenez pas, s'il vous plaît, pour parti pris, le fait que vous aimez déjà Gabriel Nadeau-Dubois, que c'est un de vos amis. Je trouve ça dégueulasse. Alors, qui aurait remporté le débat, selon vous? Olivier. Ah. Olivier. Clairement, Olivier. Pourquoi? Ben, il était préparé, il avait de réels arguments. Moi, j'étais préparé, j'avais juste une minute et demie, c'est pas de ma faute. Et il parlait pas de moi. OK, alors je vais demander au public, qui, selon vous, a remporté ce débat? Est-ce que c'est Olivier Niquette qui est pour Gabriel Nadeau-Dubois? J'aime ce que j'entends. Ou est-ce que c'est Jean-Philippe Vautier qui vous a démontré que Fred Savard a 43 ans vivote? Merci. Bon, ben c'est correct, j'ai perdu, je l'assume. Oui. Est-ce qu'on invite notre premier invité de la soirée? Faudrait bien. Il vient de publier un deuxième livre, ce qui est déjà plus que le nombre de livres lus dans une vie par bien des Québécois. Il est le Xavier Dolan du militantisme québécois. Voici Gabriel Nadeau-Dubois! Ah, on est tellement... Et que je suis content de vous recevoir, Gabriel. Je vous aime. Absolument, on dit moi aussi à ce moment-là, mais je suis plus sûr. Là. Ah, Gabriel, arrêtez donc. Vous venez de publier un autre livre. Vous arrêtez vraiment pas hein, depuis que vous avez cessé de faire la révolution. Donc, c'est ce livre d'apprendre, plaidoyer pour la gratuité. J'ai lu quelques textes là-dedans. Il y a Normand Baillargeon, il y a oui. Philippe Urteau, il y a Noam Chomsky, évidemment. Oui. Ça paraît bien, c'est une couverture ouais, de livre. Ça fait bien, ça. Ouais. Il y a des textes également de Micheline Langteau, de Lise Payette. Et dès qu'on ouvre le livre, là, vous êtes en train de suivre le plan moi, d'émission. Je vous sens où on est rendu. OK. Alors, juste vous dire, on est rendu à votre entrevue. Invité 1. Oui, exactement. Vous commencez votre livre avec une citation de Jean Jaurès. Oui. Hein, qui dit ceci. « Quiconque ne rattache pas le problème de l'éducation à l'ensemble du problème social se condamne à des efforts et des rêves stériles. » Oui. Comment vous... premièrement, vous savez que Jean Jaurès a été tué. Hein? Oui, je sais. Okay. T'enlèves du poids. Avez-vous besoin que je vous explique la citation, Jean-Philippe? Ben, en fait, je la comprends, mais je me demande comment vous l'avez trouvée. Comment on trouve une citation quand on écrit ça au début d'un livre? Je me rappelle pas où je l'ai trouvée. Est-ce qu'on Google ça comme tout le monde? C'est une citation que je voulais mettre dans Tenir tête, en fait, et je n'avais pas trouvé de place pour la mettre en exergue, alors j'ai décidé d'utiliser dans le deuxième livre. Mais j'ai aucune idée où j'ai trouvé ça, pour être bien honnête. Puis est-ce que ça vous trottait dans la tête ou c'est vraiment comme quelque chose qui... c'est une recherche Google, comme on fait n'importe quoi. Là, tu sais, quand on fait une chronique, on se dit qu'on a besoin d'une citation sur la paix. Moi, je fais ça. Citation, paix. Il y en a plein, hein? Oui, vous savez, sur l'amour aussi. Oui, énormément. Non, mais pourquoi le mettre en exergue comme ça? Est-ce que ça... Ben, c'est parce que souvent, quand on va parler que ce soit de frais de scolarité, de gratuité scolaire, ou même quand on prend un sujet comme ça en éducation, souvent, ça peut avoir l'air d'être de la gestion de détails, ou ça peut avoir l'air d'être des micro-débats. Puis ce que cette citation-là, en fait, dit que c'est qu'en fait, parler d'éducation, c'est toujours être en train de parler de l'ensemble de la société, parce qu'évidemment, l'éducation, c'est pas juste apprendre à avoir un travail, hein, c'est aussi former des citoyens et des citoyennes. Donc, parler de l'école, de quelle école on a, de quelle école on veut, c'est aussi toujours parler de quelle société on veut. Et cette citation-là le dit, donc, si on essaie de parler d'éducation en oubliant cette idée-là fondamentale, ben on va pas très loin. Là, vous me parlez justement d'une idée générale de l'éducation à travers un système social ou à travers un gouvernement, en fait. Et puis là, je suis en train de me dire, si vous écrivez ça, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas satisfait avec ce qui se passe. Et, on ne parlera pas de notre ministre de l'Éducation, parce que probablement que ça le touche... Pourquoi? Ce serait très drôle. Ça ne le touchera pas, un livre, vous comprenez? Je pense que je vais lui en envoyer une copie, une petite campagne là, sur les réseaux sociaux, justement. Peut-être juste faire un dessin à place de faire des... des dessins, je pense qu'il est capable de regarder ça. Cela dit... Des calculs, des colonnes de chiffres, il aime beaucoup ça, je pense, M. Bolduc. Ou plusieurs patients dans une journée, si vous voulez couper votre livre en moi. Mais est-ce qu'il y a eu un ministre de l'Éducation qui représente un peu ce que vous avez en tête là-dedans? Est-ce que ça a existé, ça? C'est une excellente question. On ne m'a jamais posé cette question-là. Un ministre de l'Éducation... Étonnant. Un ministre de l'Éducation... récemment, j'aurais de la misère à trouver parce que, malheureusement, depuis un certain temps... C'est fou, pareil, qu'on ne puisse pas nommer un ministre de l'Éducation compétent dans les 25 dernières années. Bien, c'est que, malheureusement, on a de moins en moins de gens qui réfléchissent... En fait, moi, je dirais que si je suis pas capable de répondre à la question, c'est probablement parce que, de manière générale, l'enjeu de l'éducation est plus absent que jamais, en fait, de la scène politique. On parle beaucoup de santé au Québec, puis c'est correct d'en parler beaucoup, mais ça s'est fait, je crois, un peu au détriment de l'éducation, qui est quand même un des postes de dépenses super importants pour notre État. Donc, on parle plus d'éducation, et en ce sens-là, souvent, le ministre de l'Éducation, c'est pas considéré comme étant un acteur si important que ça dans le débat public. Puis c'est l'éducation est rarement, comme c'est on dit, une ballot question. C'est rarement quand un enjeu médecin, quand électoral. Quand tu mets un médecin, ministre de l'Éducation, c'est parce que la santé est assez... C'est en effet. Mais cela, on parle de gratuité scolaire quand même. C'est pas une idée nouvelle du dernier conflit. On parle dans les années 70. Ouais. Les libéraux en faisaient un cheval de bataille, la gratuité scolaire. Les libéraux et même l'Union nationale, après Maurice Duplessis, ça veut dire que peut-être que justement, on l'avait là, cette idée d'éducation qui vous plaît. À l'époque, il y avait un contexte très précis, un contexte économique où, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près toutes les nations industrialisées se disent il faut investir massivement en éducation. C'est à l'époque que la classe ouvrière, déprolétariser. Oui. C'est la classe moyenne qui naît à ce moment-là. Mm-hmm. Puis l'éducation, ça fait partie des leviers institutionnels qui permettent à la classe moyenne d'apparaître. Donc, à ce moment-là, oui, c'est une position qui est largement partagée par à peu près tout le spectre politique. Il y avait un nombre aussi de jeunes énormes aussi. C'était le baby boom. Il y avait le baby boom, c'est ça, qu'on n'a pas là. Alors, il y a plus de personnes vieillissantes qui s'inquiètent de leur santé. Le poids démographique des jeunes aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qui était à l'époque. Puis, évidemment, le livre ne dit pas il faut retourner en arrière. Ce n'est pas un livre nostalgique, hein, contrairement à ce que M. Alain Dubuc a écrit dans la presse hier, sans avoir lu mon livre par ailleurs. Mais vous savez, il y a quand même l'expertise pour parler de ces choses-là. Oui, c'est un ancien marxiste-léniniste. Oui, tout à fait. Il connaît bien. Il connaît bien ça. Donc, je disais que... Donc, c'est pas un livre nostalgique, ouais. Voilà. Il s'agit pas de dire qu'il faut refaire la Révolution tranquille. Le rapport parent, c'est la Bible de l'éducation au Québec. C'est juste de dire qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, on était capable d'en parler. Puis on était capable d'avoir des débats de société sur l'enjeu de l'éducation. Puis je pense que, ne serait-ce que cette idée-là, c'est une idée importante. Puis je trouve dommage qu'on croit aujourd'hui que l'enjeu de la démocratisation de l'éducation, ce soit quelque chose de complètement acquis. Ouais. Et qu'il faudrait discuter, en fait, est-ce qu'on veut des tableaux intelligents, des tableaux blancs, des tablettes, des iPads. Mais que sur le fond des choses, je trouve qu'on n'en parle plus assez. Puis ça, je trouve ça dommage. Donc, mais c'est pas un livre nostalgique. Tu sais, dans ce livre-là, il y a un tableau qui montre, en fait, le coût pour un diplôme de premier cycle à travers le monde. Ouais. Et visiblement, le Québec se classe assez mal. Hein? Ben, contrairement à un truc qu'on a beaucoup répété, on aime ça se comparer à l'Amérique du Nord. Puis en effet, quand on se compare à l'Amérique du Nord, c'est assez peu cher aller à l'université au Québec. Mais quand on se compare à l'intérieur de l'OCDE, donc dans le fond, à l'intérieur des pays développés, ben là, on se rend compte qu'on est dans les pays où c'est le plus cher. On est en haut de la moyenne parce que la norme, en fait, dans une majorité des pays développés dans le monde, c'est la gratuité ou la quasi-gratuité. Et ça, c'est un peu surprenant. Mais justement, c'est surprenant, effectivement, parce que ce tableau-là, qu'on voit, en fait, c'est assez clair. Hein, on voit la place du Québec assez clairement là-dedans. Puis je me demande... Vous avez dit, mais ça, il y avait un tableau? Ben, c'est beaucoup plus facile à lire. c'est clair. Vraiment, là, moi, ça me parle. Comprenez-vous des dessins? Ben oui. Mais... pourquoi ce tableau-là, vous ne l'aviez pas lors de la grève étudiante? Pourquoi les gens n'en ont pas pris compte? Parce que ça me semble, c'est assez facile à lire, c'est un tableau. Oui, bien, on l'avait dans notre matériel d'information. C'est le genre également de documentation qu'on mettait, qui était sur notre site Internet, qu'on mettait à la disposition des journalistes. Mais il faut comprendre quand même que quand la grève est arrivée en 2012, hein, ça faisait plusieurs années qu'il y avait eu, que disons, le champ médiatique avait été joyeusement labouré par la droite qui nous avait vraiment... Ça. Entrer dans la tête. Idéologique. L'idée selon laquelle, au Québec, c'est tellement pas cher, puis on est tellement gros dur. Alors, il y avait tout ce travail médiatique-là préalable qu'il fallait renverser, puis en fait, on n'a jamais vraiment été capable de le faire. Justement, là-dedans, bon, on est derrière... il y en a une bonne gang, là, évidemment, mais à partir du moment où est-ce qu'on devient une société où on fait payer pour l'éducation, on est derrière la France, la Turquie, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, la République slovaque, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la moyenne de l'OCDE. Cela dit, on est quand même pas mal mieux que beaucoup d'autres pays. Oui. Et pourquoi la gratuité? Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, la réussite de certains pays? Parce qu'il y a le Mexique qui ne fait pas payer ses étudiants pour son diplôme de premier cycle. Mais est-ce qu'on peut comparer le fait que, ben, au final, la gratuité est beaucoup plus payante pour une société que non? Je veux dire, ce que j'avance dans ce livre-là avec la quinzaine d'auteurs, c'est qu'en effet, c'est très difficile, je crois, de trouver un argument pour dire que il y a des arguments contre la gratuité scolaire, mais je pense que quand on fait la somme des arguments en faveur puis en défaveur, je pense qu'on arrive à la conclusion que c'est drôle, parce que vous savez, il y a beaucoup d'économistes qui nous disent que la raison pour laquelle il ne faudrait pas faire la gratuité scolaire, c'est que si on la fait, il va y avoir tellement de monde dans les universités que ça va coûter trop cher. C'est un argument que je trouve curieux, en fait, parce que c'est ça l'objectif. La gratuité scolaire, c'est qu'il y ait plus de gens dans les universités, parce qu'on se dit, l'éducation pour une société, c'est quelque chose qui est bien, tu sais, sur le plan... C'est correct. Puis même sur le plan économique, hein, d'ailleurs, souvent ça, la droite est assez curieuse, parce qu'on nous dit, par exemple, il ne faut pas augmenter les impôts des entreprises, ils s'en vont fuir, mais il faudra augmenter les frais de scolarité. Il y a un sondage qui a été fait récemment par l'OCDE, justement, envers les grandes corporations multinationales, et on leur demandait, tu sais, c'est quoi les facteurs qui font que vous allez investir ou pas dans un pays, et le niveau d'éducation de la population était en tête de liste, alors que la fiscalité corporative, le fait qu'on commande, impose des entreprises, était beaucoup plus bas dans la liste. Alors, même d'un point de vue, je dirais, économique, moi, c'est pas le point de vue que je préfère, mais même si on adoptait ce point de vue-là, moi, je pense qu'il faut venir à la conclusion que c'est profitable pour une société. Puis, est-ce que vous avez trouvé un économiste de droite pour participer à ce livre-là, ou ça n'existe pas vraiment? Il y en a à la télé à peu près tous les jours des économistes de droite. Alors, non, je me suis permis de faire un livre où il n'y en avait pas. Non, mais c'est ça, mais peut-être mettre justement... Il n'y a aucun économiste de droite qui est pour la gratuité scolaire. C'est ça que est-ce que Jean-Martin Aussan se qualifie dans la catégorie économiste de droite? Ben là, non, je ne pense pas qu'il soit économiste de droite. Je ne fréquente pas les milieux militants. Parce que c'est un... parce que Jean-Martin Aussan est un économiste quand même. Oui, tout à fait. Il n'est pas économiste pour le Parti communiste du Canada. Non. Il est quand même dans une grosse boîte de finances à Londres. Et pourtant, il a été connu comme étant un des ceux qui était en faveur. Oui, c'est parce que les gens à Londres ne le savent pas. Il me semble que cette semaine, il y en avait un dans le Journal de Montréal, de l'Institut économique de Montréal, qui était à 22% pour la gratuité, quelque chose comme ça. 22% pour la gratuité. 21%, je pense. Yuri Chassin, qui disait qu'en fait, la gratuité était déjà là pour les gens gens qui avaient des prêts et bourses, ce qui est vrai, puis je vois pas en quoi c'est un argument pour le fait de la faire à 100%. Mais bon. Ah, OK. Ouais. Hier, on recevait Pierre Curzi et on a parlé de souveraineté. Et le débat de la souveraineté sur la souveraineté est en train de s'éteindre un peu. Puis je me demande si le débat sur la gratuité scolaire n'est pas en train aussi de s'éteindre. Il n'existe plus, le débat. Hein? Le débat sur les universités, il existe plus. C'est fini, là. Il a eu lieu un peu en 2012. Et puis, on nous avait promis un sommet hein, à l'hiver 2013 où on allait vraiment faire les débats. Et justement, l'idée de faire le livre m'est venue après ce sommet-là. Parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait parlé beaucoup, beaucoup d'argent, de comment financer, de gestion. On a fait des comités de réflexion, de suivi sur plein de patentes à gosses, mais on n'a pas parlé des enjeux de fond sur c'est quoi l'université, où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle devient, puis qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne. Donc après, un peu, sur le fait, c'est quand j'ai constaté que ce débat-là, on ne l'avait plus, comment je pourrais contribuer à ramener la question dans l'espace public? Ouais. Et qu'est-ce que vous attendez d'un livre comme ça, justement, maintenant que les idées sont déposées? Est-ce que ça s'adresse à des convertis, à des gens qui sont déjà vendus à ça? C'est quoi vos attentes? J'ai des attentes assez humbles, assez minimes. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est avec un livre que cet enjeu-là va redevenir une priorité dans le débat public. Je pense que ce livre-là s'adresse aux gens à la fois qui se sont mobilisés en 2012 puis qui veulent continuer à réfléchir. Je pense que ça s'adresse aux gens qui se sont pas mobilisés ou en tout cas qui sont pas familiers avec ces enjeux-là puis qui veulent en apprendre plus. Puis je pense que même pour les gens qui sont en défaveur du projet de gratuité scolaire, je pense que c'est un livre qui est intéressant parce que ça l'aborde sous tous les angles. Donc, comme vous le disiez au début, Jean-Philippe, il y a des économistes qui écrivent dans ce livre-là, il y a des cinéastes comme Micheline Langteau, il y a des militants, il y a des féministes, il y a des gens de tous les milieux qui, pour des raisons très, très, très différentes, souvent, sont en faveur du projet. Puis l'idée, c'est de faire la synthèse un peu de tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un lancement de ce livre-là? Oui, il va y avoir un lancement. C'est, qui l'anime? C'est ce mercredi, animé par Jean-Sébastien Girard. Ah franchement! Wow. Ça n'a pas de bon sens. Quel cabaret bon flash! J'espère que c'est pas lui qui s'occupe du buffet. Non. Et mon c'est Dieu. Au cabaret du Mylan. Donc, ah oui, hein? C'est donc mercredi à 19h, évidemment. C'est ouvert au public. Tout le monde est invité. Les gens de gauche seulement? Ou? Non, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Ils seront peut-être pas traités de la même manière. Mais... Là, vous avez quel âge, Gabriel? J'ai 24 ans. Alors, j'ai 24 ans. Ben oui, ça se pose. En bas de 30 ans. Ben voyons, en bas de 30 ans, il n'y a pas de problème. Mais ce que je disais tout à l'heure, vous aviez 18 ans. Mais oui. À 24 ans, vous vous intéressez donc... C'est une blague très originale, d'ailleurs. Une blague sur mon âge. Mais je tiens à souligner quand même que je pense qu'on a été les premiers à la faire, cette blague-là, hein, parce qu'on vous a reçu pour les... On a été les premiers à s'intéresser comme à vous. Comme la comparaison avec Staline. Vous êtes très innovateur. Ah, ça, c'est une nouvelle, ça, pour moi, en tout cas. Oui, parce qu'avant, je faisais une comparaison avec Lénine. Vous lisez pas le journal de Montréal. Ouais. Le moins possible. Là, vous avez 24 ans, vous vous intéressez à la gratuité scolaire. Ouais. Bon, et supposons que ça arrive pas, la gratuité scolaire, dans les 20 prochaines années. Est-ce qu'à 44 ans, vous allez encore vous intéresser à la gratuité scolaire? Je me pose... Non, mais pour vrai. Non, mais c'est une bonne question. Au sens où souvent, les gens pensent que parce que je parle de gratuité scolaire, que pour moi, ce serait l'enjeu politique numéro un, la priorité absolue. Or, c'est absolument pas le cas. Même que si on me disait, t'as une mesure... en termes de politique publique, il faut que tu en choisisses une, ce serait peut-être même pas elle que fait je prendrais en premier. Ben moi, je pense, par exemple, la question de la crise écologique, c'est quelque chose d'assez prioritaire. J'ai décidé, parce que c'est un enjeu que je connais bien, de parler de gratuité scolaire dans ce livre-là, mais c'est pas l'alpha et l'oméga du débat politique. Vous n'avez pas besoin de connaître les choses pour débattre. Chaque matin, il me semble que vous débattez de choses dont vous connaissez très peu la teneur. Vous n'avez pas tout à fait tort, même. Ouais, ben ça, ben, je me disais, alors, ça se pourrait que... Non, mais vous pouvez écrire un livre sur l'écologie à un moment donné. Gabriel, j'aurais tendance à vous demander de rester pour la fin de l'émission, mais avant... Je trouve ça plate qu'on parle seulement d'un livre et je voudrais savoir ce que vous avez fait de votre été, vous. Cet été... Tu sais, qu'on se connaisse un peu plus, ben oui. Parce qu'on va passer la fin de l'émission ensemble, ça serait bête. Cet été, j'ai pris des vacances. Arrête donc. Je suis allé en Argentine, en fait. Sur le bras de l'État ou... Non, okay. sur le bras de Radio-Canada, en fait. Mais, donc, sur le bras de l'État. Direct. Oui, en fait, ouais. Mais l'État fédéral. Ouais, non, ça, de toute façon, voilà. Ils nous écoutent pas. Et puis, c'était la première fois depuis presque 5 ans, en fait, que je me permettais de prendre des vacances, et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout que quand j'étais en Argentine, il y a eu tout un débat sur le défaut de paiement hein, du pays qui a éclaté pendant que j'étais là. Est-ce que c'est à cause de vous, les manifestations? Non. Non. Bon, l'Amérique latine, généralement, n'ont pas besoin des Nord-Américains pour manifester. Souvent, c'est un peu l'inverse, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui se passe. Ouais. Et puis, mais donc, c'était très intéressant parce qu'il y avait là un débat sociopolitique passionnant, puis j'ai eu la chance d'être témoin de ce débat-là, puis ça a été ça a été donc des vacances très formatrices. Et vous savez que tout votre militantisme a fini par payer. parce que cette année, vous allez avoir votre personnage à la FLAC. Hey, c'est pas rien, ça. Wow. Oui, il va avoir son personnage à la FLAC. Vous savez ça, vous. Oui, oui, j'ai des plugs. Des plugs. Oui, oui, tout à fait. Les gens, vous l'apprenez, pour vrai? Je savais absolument pas, non. Alors, vous allez avoir votre personnage, à moins que notre recherchiste ait fait un mauvais travail, ce qui est très possible. Avouons-le quand même. Je pense que ça mérite un applaudissement, ça. Franchement, quand t'as un personnage à la FLAC... Quand tu dois le demander aux gens, normalement, non. C'est parce que Fred Savard, les gens ne savent pas dans la salle quand applaudir. Non, je trouve qu'ils sont pas pires, Adam. Ah, mais j'entends les gens à la maison applaudir, par contre. Hein? Ben voilà. Hein? Les gens, ça me... Vous restez avec nous pour vrai pour les deux prochaines heures. Parfait. Bon, ben justement, pour payer votre salaire, on va mettre une petite pub là, de Trivago. Je veux aller à Kakuna. Je veux trouver mon hôtel pour voir les derniers bilugas vivants avant que le Québec devienne le plus gros transporteur de profit pour l'Alberta. Comment c'est possible? Mon hôtel, Drilago. Drilago? Drilago. Ah. Mon Dieu. Oh, regardez ce que dans ma besace. Ah, Gabriel, est-ce que vous connaissez la besace de Jean-Sébastien? Je connais un concept similaire, mais pas celui de la besace à Jean-Sébastien. C'est comme un petit sac rempli qui vient nous vider chaque semaine. Okay. Comme une petite baluchette. Voilà, une petite baluchette. Voilà. Allez-y, Jean-Sébastien, vous avez accumulé quoi cette semaine? Beaucoup de choses. Tout d'abord, ce magnifique ouvrage que je vais vous offrir, Jean-Philippe. Est-ce que vous m'allez offrir pour vrai ou est-ce que vous partez avec à la fin de l'émission, comme d'habitude? Vrai. Ça s'appelle « Saint-Tite, une histoire tirée par les chevaux ». Évidemment, c'est un titre... Ben voyons. Ben c'est un titre un peu c'est de boîte. C'est un titre de merde. Ouais. Mais pour vrai, ça sera mon seul déplaisir autour de cet ouvrage-là, d'accord, qui est un magnifique livre. Évidemment, vous vous doutez que ça documente le fameux Festival Western de Saint-Tite, ben dont l'édition 2014 se termine aujourd'hui. Festival qu'on connaît, un événement important d'Amérique du Nord. Il y a 600 000 festivaliers, 600 000 cow-boys qui convergent annuellement chaque année à cet événement-là. Combien de population à Saint-Tite? Aucune idée. Ah, ça, c'est très décevant de votre part. Voilà. Souvenez-vous, j'étais allé d'ailleurs rire de ces gens-là à la soirée est encore jeune, il y a un an ou deux, au festival. Voilà. Et là, vous venez de dire que le livre a un titre de merde. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se sont intéressés à cet événement-là, dans ce beau livre-là, justement, ils font tout le contraire de moi. Ils sont allés sur place. C'est deux citadins, hein, des gens qui ne connaissaient absolument pas l'événement. Vous étiez pas sur place? Non, oui, il y a deux ans, j'étais sur place. Bon, voilà. Eux, ils sont allés passer une semaine sur place. Ce sont des citadins, donc, qui ne connaissaient pas du tout l'événement. Ils ne sont pas allés là avec leurs espèces de gros sabots de hipster ironique. Ils sont vraiment allés là dans l'intention. Vraiment, ils sont allés là, en tout respect, découvrir des personnages fascinants. Lâchez votre téléphone et regardez les belles images qu'il y a à l'intérieur, Jean-Philippe. La photo... La photo, elle est spectaculaire, Jean-Philippe. Est-ce que je peux travailler? Non. Alors, c'est la journaliste Émilie Villeneuve et le photographe Olivier Blouin qui nous l'offrent. En fait, ce sont eux qui nous ont offert l'année dernière l'ouvrage qui s'appelait Moutarde Chou, un livre sur l'histoire des casse-croûtes au Québec. C'était très, très joli. Et donc, vous avez toutes sortes de personnages vraiment fascinants à l'intérieur de ce livre-là. Je vous invite à le feuilleter. Voilà, 256 pages sur du papier mat. C'est un très bel ouvrage. Voilà, c'est publié aux éditions Cardinal. Pour les gens à la maison, vous vous souvenez la semaine dernière dans la besace de Jean-Sébastien. Jean-Sébastien n'avait jamais vraiment les livres qu'il me présentait. Et là, ce sont les vrais objets. Oui. Et effectivement, le livre de Saint-Tite est très, très beau. Ça bonifie l'expérience radiophonique. Moi, j'entends les gens à la maison se complaire en ce moment devant le bel ouvrage. Et c'est pas un truc qui s'adresse à ceux qui tripent sur le festival de Saint-Tite ou qui tripent sur le western. C'est vraiment un documentaire intéressant sur des personnages qu'on vous invite à découvrir. Voilà! C'est du tout? Ben non, j'en ai d'autres. Arrêtez ça. J'ai ceci. Ah, j'ai avant tout le monde la 6e édition Jean-Philippe de la revue Nouveau Projet qui sera disponible le 19 septembre. Alors, une petite note ici pour les gens à la maison. Je venais de faire un beau compliment à Jean-Sébastien parce qu'enfin, il avait les objets qu'il critiquait. Malheureusement, il n'a pas vraiment la copie du nouveau projet. Honnêtement, ça va sortir vendredi prochain, mais j'ai quand même lu. Est-ce que ça va être en 8,5-14 comme ça? Non, je ne penserais pas. Okay. Mais regardez ici quand même sur mon iPad la première page qui est magnifique. C'est une photo du chanteur et cinéaste Stéphane Lafleur qui a des fleurs dans sa chemise. C'est très joli pour vrai. Ah, Stéphane Lafleur. Lafleur avec des fleurs. Mais voilà. Ces gens-là sont incroyables. Ils sont fous. C'est des gens de Saint-Tite qui ont fait la composition. Donc, il y a quelques semaines pour nous parler de son film Tudor Nicole, qu'on a vu ensemble, pendant lequel j'avais envie de vous dire Tudor Jean-Philippe. Et mon écœurant, vous étiez pire que moi, hein? Non. Et Stéphane. Et Stéphane signe dans cette édition Nouveau Projet une fiction très intéressante pour vrai, bien écrite, qui s'appelle Quelque chose d'important. Vous allez voir les fans de La Fleur, vous allez retrouver le même univers, le même esprit qui habite son cinéma et sa musique également. On retrouve dans cette édition-là des papiers de la chorégraphe Margie Gillis, d'Evelyne Lachenelière, de Catherine Mavrikakis, un article de fond sur Tinder, Fred Savard. Ah, mon Dieu. Tinder, c'est quoi déjà, hein? C'est une application pour rencontrer l'amour. J'ai aucune idée, c'est mais quoi? Mais quel genre d'amour? Ben, de l'amour d'un soir ou l'amour? Ah ben c'est ouvert à toutes sortes. Ça dépend si c'est du now ou mais vous, la, vous l'utilisez pour quoi, ou, vous, par exemple? Ben, j'utilise pas, moi. Ah, ben, je sais pas, moi. Voilà. Non. Et finalement, il y a de très belles plumes. Et d'ailleurs, vous aimez beaucoup ce oui, magazine-là, Fred, que vous avez découvert assez récemment. Dernier numéro, numéro 5. Ouais, voilà. Celui avec David Suzuki. Oui. Qui était exactement. Très bien. Très bon, ouais, ouais. Ouais. Alors, on invite les gens à se le procurer. Ils ont vécu des petits ennuis et financiers. Et à s'abonner, même, oui, tout à fait. Ils ont vécu des ennuis financiers qui n'ont rien à voir avec eux. En fait, là, c'était lié à leur distributeur qui a fait faillite. Ouais. Durant... Ah, que ça intéresse les gens, ça. Ben oui. Ben voyons donc, les temps sont durs pour le milieu du livre, hein, ouais, à plusieurs égards. Absolument. Ouais. Donc, la distribution et les gens donc, ont eu ans. Beaucoup de solidarité durant l'été. Ils se sont abonnés massivement. Donc, ils sont peut-être en train maintenant là, d'avoir un nouveau souffle intéressant. Alors, intéressez-vous à nouveaux projets. Ouais. Jean-Philippe, et en terminant, une suggestion DVD. C'est le DVD, ça, là, je l'ai pour de vrai. Je sais. C'est Louis de Funès, le gendarme. Ah, ça, c'est bien ça. Saint-Tropez, Jean-Philippe. Les gens applaudissent. Oui, voilà. Ben, je comprends, c'est tellement bon. Oui, alors vous connaissez, vous les avez déjà vu ce film-là, c'est un film moi, de Jean Giraud. Moi, j'adore Louis de Funès. Oui, voilà. Alors, c'est... vous c'est en sacrez bien, hein, de non, ce que je pense. Non, pas du tout. Okay. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que 2014, c'est un peu l'année Louis de Funès. D'une part, parce qu'il aurait eu 100 ans cette année. Il est mort. C'est une blague. D'autre part, mon Dieu, c'est pas drôle. D'autre part, parce que cette année, même cette semaine... Cette émission avait un animateur, là. On irait, on serait dans la firmament. Et on respecterait les crânes. Voilà. 50e anniversaire de la sortie de ce film-là cette semaine, le 9 septembre. Ça a été un immense succès, on le sait. L'année de sa sortie, en 1964, il y a 7,8 millions de spectateurs qui ont vu ce film-là. Et c'est devenu le point de départ de toute une série de films, Le Gendarme, parmi lesquels Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie, Les Gendarmes et les Gendarmettes. Eh oui. Celui-là, donc, il part à Saint-Tropez, il part à la recherche des naturistes. Et j'ai vécu mes premiers émois érotiques... Avec au cinéma, avec ce film-là, Jean-Philippe, absolument. Ah ouais. Oui, voilà. Et présentement, Saint-Tropez, une exposition autour de ce gendarme-là. Alors, on vous invite à vous retaper la série cette semaine. Et vous savez quoi? Non. Olivier Niquet. Je crois, non. M'a parlé pour la première fois de sa vie au bureau. Ah! Il s'est approché de mon bureau. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends donc. Et j'ai dit, ben voyons, pas Olivier Niquet qui me parle. Et il me dit, je trouve, Jean-Sébastien, qu'Olivier Niquet... que Louis de Funès est un fumiste. Est-ce que Jean-Olivier a utilisé le mot fumiste? Non. Ah, ça, je pense que j'ai dit fraude. Ouais. Une fraude intellectuelle pour lui. C'est du cabotinage, franchement. Là. Donc, jokes vous n'aimez pas Louis de Funès? Des jokes de pète, une auto qui roule sa tête sur l'eau. Là. Hey, faites mieux, Olivier Niquet, faites mieux. Si j'arrivais dans le bureau avec un film de jokes de pète, là, vous ririez toutes de moi. Pourtant, vous passez votre temps sur les médias sociaux. Il me semble que c'est un peu ça, les médias sociaux, des films de chance sur le top. Les radios de Québec, ça doit être pas mal ça aussi. Ben ouais, ça, je me dis. Est-ce que vous connaissez Louis de Funès, Gabriel? Oui, je connais. Je pense que j'ai vu quelques extraits déjà, mais j'ai pas d'opinion. Sur YouTube, sur votre téléphone? Oui, c'est ça. C'est ça que je me disais. Mais... parce que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Philippe, j'ai pas d'opinion sur tout, donc j'ai pas d'opinion sur Louis de Funès. Arrêtez. Vous n'avez... Tout le monde a une opinion sur Louis de Funès. Même Olivier qui a pas c'est d'opinion sur lui, il y en a une. C'est bien je pense que c'est un fumiste. Et d'ailleurs, ce film-là me permet... Vous le prêtez, hein, Gabriel. De nous amener, Jean-Philippe, vers notre prochain jukebox. Ah mon Dieu, faut mettre la musique encore. Oui, faut mettre la musique et on va justement écouter la chanson thème du film. Interprété par Geneviève Grade. Sa version à elle s'appelle évidemment Do You Saint-Tropez. Ah mon Dieu. Ici au Québec, on a eu la merveilleuse Genera qui nous avait donné une version qui s'appelait, en fait, c'était pas Do You Do, c'était Do You. Mais nous, on va écouter la version Do You. Ah ben mon Dieu. vous avez 2 minutes pour aller aux toilettes. Et voilà, on écoute ça sur Ici FM. Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui a bien hâte de regarder l'heure sur son iPhone 6 et prendre ses courriels sur sa montre Apple. qui paye du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ah, il me trouve drôle, qui m'engage au lieu de passer des balles. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Ah, c'est l'espace d'expression d'Olivier Niquet. Oui. Exprimez-vous, Olivier, avec vos extraits. Alors, grosse semaine dans le monde des hôtels de ville, alors qu'on apprenait que le maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, a menti. Il ne s'est pas retrouvé sur le bateau de Tony Accurso une fois par hasard, mais deux fois pas par hasard. Heureusement, il a mis les points sur les i à l'émission de Marie-France Bazot. Ici, à un moment donné, j'ai pas dit... comme on dit, toute la vérité sur les circonstances de ces deux voyages. Je pensais pas qu'aujourd'hui, au moment où je dis les choses et je dis la vérité, que je vais commencer à raconter des mensonges en disant la vérité. Bon. Je pense que c'est clair, hein, quand même. Ouais, on s'entend là-dessus. Plusieurs ont demandé la démission de M. Robitaille, mais pas Jean Lapierre, parce que selon lui, il y a un précédent auquel il faut le comparer. Oui, vous avez tous deviné de qui je parle. Mais quand les gens demandent sa démission... Sincèrement, Paul, il y a un précédent là-dessus et tu connais toi-même le maître du mensonge. I did not have sexual relations with that woman. Bon, est-ce qu'il a démissionné, Bill? Non, wow. Bill Clinton n'a pas démissionné. Alors pourquoi le maire de Terrebonne démissionnerait? En plus, ça l'homme est riche, Bill Clinton. Mais Bill Clinton, que tout le monde a vu, qui avait menti à la planète, a sauvé sa peau et resté président, puis maintenant fait le tour du monde, puis il charge 150 000 piastres du discours. Je pense pas que ça arrive à Jean-Marc Robitaille. Je pense que Jean-Marc Robitaille va charger 150 000 piastres du discours dans 3 ans. Mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Exactement. Envoyez-vous d'autres, vous, des exemples de politiciens qui ont déjà menti? Moi non plus. Si à la maison vous en connaissez, écrivez-nous. Bon, c'est sûr qu'il y avait un exemple pas trop loin de Terrebonne, là, en la personne de la mairesse de Boisbriand, qui a été reconnue coupable cette semaine de fraude et d'abus de confiance. Mais elle, c'est pas pareil, parce qu'au fond... Et au fond, ça va être une pauvre épaisse. Bon, c'est sûr qu'elle, elle a menti un peu plus que M. Robitaille, là, mais Jean Lapierre a quand même deux visions assez opposées de la banlieue, me semble. Parlons maintenant un peu de l'entrevue accordée au FM 93 de Québec par Stephen Harper. Une réponse du premier ministre en a fait réagir plusieurs, mais moi, ce que j'ai trouvé surtout drôle, c'est le ton de la question de Sylvain Bouchard. Je ne l'avais jamais entendu être aussi mielleux. Il y a des gens dans votre parti qui sont très critiques à l'endroit des médias sur la colline parlementaire à Ottawa. Est-ce que les médias québécois vous rendent justice? Tu sais très bien, ce n'est pas un secret que les médias sont... La plupart des médias sont... de la gauche politique, et surtout au Québec. Et ils tentent de convaincre les Québécois que l'identité québécoise est une identité gauchiste. Bon, même si 28 des 33 journaux canadiens ont donné leur appui à Harper lors des dernières élections, c'est vrai qu'il n'a pas une très belle image dans les médias du Québec, mais certains méchants gauchistes comme Benoît Dutrisac du 98.5 ont été toutefois bien insultés d'entendre le premier ministre se plaindre ainsi. Est-ce que ça pourrait être dans l'explication. M. Harper soit un peu heureux, soit incapable de défendre ses idées, ses politiques, ses programmes? Est-ce qu'il est intellectuellement limité? Il y a beaucoup d'insultes ce soir. Hein? Ben oui. En tout cas, voilà qui devrait convaincre Stephen Harper, qui est apprécié de par chez nous. Mais Sylvain Bouchard est revenu par la suite sur son entrevue avec Harper, apportant quelques précisions tout en régurgitant les lignes du Parti conservateur. Si tu demandes aux Québécois ceci, c'est ça qui ne marche pas avec les médias. Demande aux Québécois, ça arrive. Voulez-vous qu'un gouvernement qui baisse vos taxes et impôts? Oui. Voulez-vous un gouvernement qui veut des sentences plus sévères pour les criminels? Oui. Voulez-vous un gouvernement qui gère serré au niveau des fonctionnaires, qui coupe un peu, puis qui a un gros surplus budgétaire? Oui. Après ça, tu leur dis, voulez-vous un gouvernement conservateur? Oh non! Elle n'a rien savoir d'Harper. Les médias, ils disent qu'Harper, c'est un si peu ça. Il y a un biais médiatique incroyable au Québec. Pourtant, au plus fort des critiques au sujet de sa campagne Anybody But Pauline, qu'il avait organisée pour sortir le PQ du pouvoir, il se défendait bien d'avoir une quelconque influence sur les gens. Là, j'ai fait Anybody But Pauline, je l'assume, OK? Mais là, la CAQ, ouais, c'est de la faute en 93. En même temps, tu respectes le monde, qu'est-ce que tu veux? Eh, voyons donc. Voyons, on lui dit pas quoi faire, je l'ai déjà dit. Les gens à qui, toi, tu parles, Jean, comme les gens qui, moi, je pense, pas des cruches vides. Voyons donc, au nombre de sources d'informations qu'il y a aujourd'hui avec le web et tout, là, les gens sont brillants et sont capables de faire la part des choses. Et voilà, les auditeurs des médias gauchistes sont brainwashés et les auditeurs des médias de droite sont capables de faire la part des choses. Désolé pour vous, chers auditeurs. Merci, Olivier. Jean-Sébastien? Oui. Ça va bien? Oui, très bien, vous-même. Ah, ça va pas pire. Bravo pour Gémeau. Ah, c'est bien fin, hein? Vous m'avez bitché tout le long de l'émission. C'est avec beaucoup de tendresse que je le fais. Et ça, j'apprécie, Jean-Sébastien. J'aurais aimé, dans une autre vie, être vous. Non, c'est tellement niaiseux. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour notre invité de ce soir? Ben, pas des questions, mais vraiment beaucoup de réactions face à la présence de Gabriel ici. Ben voyons donc. Mais pour vrai, si vous allez voir sur notre site... Donc, aucune question que des réactions? Non, il y a quelques questions, mais je vais y aller d'abord avec les réactions qui font l'unanimité, franchement, de la part de Gabriel de Bistrol Paulin, qui dit « Vous n'êtes pas tanné d'inviter GND ». Oui. Jocelyn Auger qui nous dit « Il faut vraiment que nos médias soient une machine à mouvement perpétuel pour constamment donner une tribune à M. Nano Dubois. A-t-il vraiment quelque chose d'intéressant ou drôle à dire? Je ne pense pas. » Ben, peut-être qu'il y a quelque chose d'intelligent ou drôle à dire. Avez-vous une petite blague? Avez-vous une joke? Une joke intelligente? Là? Une joke... du sol, un calembour, une finesse intellectuelle. C'est vous, les c'est vous. C'est une fois Staline puis Lénine qui s'en vont au dépanneur. Non, c'est pas vrai. Élise, c'est pas le job de faire les comiques. Là. Mienne, hein. Élise Tourville sur notre site qui dit « Coudonc, Gabriel Nadeau-Dubois couche-t-il avec vos recherchistes pour être toujours sur votre plateau? » Je sais pas, il faudrait que je demande. Mais on a quand même des questions de Emilio. Attends juste un instant, ça fait combien de temps, Gabriel, que vous venez à l'émission? C'est votre troisième passage? Ben, les gens savent peut-être que j'ai fait le pilote de l'émission. Il n'a pas été diffusé. OK, bon, ben, c'était dans les premières semaines de votre première saison. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes venu à deux reprises à l'émission, et puis vous êtes allé voir... Est-ce que François Bonnardel, qui va être là la troisième fois... Est-ce qu'on a dit que notre recherchiste cause avec François Bonnardel? Non! Non! Un peu de rigueur, les gens à la maison, là! Ça, c'est assez bien dit, Fred. Mon Dieu, vous êtes éveillé, hein? Je suis content que vous soyez là, Fred. Ouais. Vous êtes bon, très pratique. Vous allez rester quand même... oui, bien sûr. D'autres choses, Jean-Sébastien? Ah oui. Il y a Emilio Espero qui dit, c'est son vrai nom. Est-ce que vous vous sentez mal de planter invariablement Mme Ravary aussi solidement à tous les débats que vous faites avec elle? C'est pas un peu comme si Einstein et Marie-Lou débattaient ensemble? Ah, c'est pas nécessaire, ça, Jean-Sébastien. Ça va beaucoup trop loin. Dans les deux cas, je pense pas que la comparaison tienne dans moi, je vous trouve plus intelligent que Marie-Lou. Ne soyez pas vexé de ça. Einstein n'était pas très politisé. Ben, on n'a jamais écouté à vos jus, par exemple. On ne sait pas. À vos jus? Les jus? Ben, Marie-Lou fait des jus le matin. Ah oui, après, c'est des jus. Fred, c'est des liens, là. Faut faire attention. Super populaire. Vous restez avec nous. Et j'ai appris en lisant votre dossier, vous, puis Jean-Sébastien en parlait, là, vous faites un couscous extraordinaire. Alors, je vous propose, pendant la pause, peut-être de nous cuisiner votre couscous. Et si vous avez pas le temps, vous revenez une autre semaine pour remplacer Jean-Sébastien à sa recette. Et puis, là, les gens vont pouvoir vraiment goûter à votre couscous. Ça va? Comparé au spaghetti, au fromage jaune, 24 tranches. Pas mal meilleur. Ah, génial. Ben, écoutez, nous, on s'en va aux nouvelles. On se revoit dans une dizaine de minutes avec. Qu'est-ce qu'on a la prochaine heure, François Bonnardel? Oui, on a. Ah, et une petite surprise pour les auditeurs. Oui, oh là là, on se revoit dans 10 minutes après les nouvelles. Retour pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en ce dimanche 14 septembre en direct de Montréal. Jean-Sébastien, oui. Vous avez reçu des courriels, je pense, pendant la petite absolument. Pause. Là. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire sur Facebook, quelqu'un qui s'appelle Mathieu Onge, qui va comme suit. Merci d'avoir sorti de belle façon Saint-Tite, une histoire tirée par les chevaux de ta besace, avec un bonhomme sourire, donc l'ouvrage dont je parlais. Oui, oui. Un très, très bel ouvrage. Et ensuite, il m'écrit « By the way, c'est moi qui ai trouvé ce titre de marde. » C'est comme ça, Jean-Sébastien, quand on s'attaque aux gens, on reçoit des... Oui. Mais, je le répète, c'est un ouvrage formidable. Moi aussi... Avec un titre de marde. Oui? Moi aussi, Jean-Philippe, j'ai reçu un message... Vous avez reçu un message, Gabriel Nadeau-Dubois? Durant l'intermission, comme on dit. Oui, quelqu'un qui est de bonne volonté, j'en suis sûr, mais qui vous fait dire que vous faites des farces plate et condescendante et qui m'encourage à ne pas lâcher, à garder ma dignité, ma passion et ma logique. C'est vrai. C'est pour ça que je vous déteste, alors, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça m'a fait beaucoup de bien, ce message, parce que vous avez été vraiment, vraiment cheap tantôt. Moi, j'ai reçu un message des chops de porc qui se dissocient complètement de votre couscous. Avec raison. Non, mais faut le préciser, parce que tout à l'heure, Jean-Sébastien parlait du couscous de Gabriel Nadeau-Dubois au chop de porc. Ce qui est une absurdité totale. C'est totalement faux, en fait. Je pense qu'il vous fait comme si il me me connaît, je sais pas. Ouais, mais Jean-Sébastien c'est est souvent... C'est de l'agneau, semble-t-il. Ouais, ouais. Il est en surface, Jean-Sébastien. Olivier, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à la question du jour? On rappelle la question. Avez-vous une opinion sur le référendum en Écosse, même si vous ne connaissez absolument rien à l'Écosse? Alors, on a Samuel et plusieurs autres personnes qui disent « Tant que mon scotch reste au même prix, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Notre public s'intéresse vraiment aux vraies affaires. Ben oui. Il y a Jean-François qui dit « Tout le monde a une opinion aujourd'hui. Asti que c'est lassant. » Ben moi, j'en ai pas d'opinion, si ça peut vous rassurer, à part sur Louis de Funès. Ben oui, c'est ça. Sur les vraies choses, Olivier, n'est-ce pas? Sinon, Jason nous dit « Les Irlandais ont donné la cornemuse aux Écossais pour faire une joke. Les Écossais ne l'ont pas compris. » Moi, je comprends pas non plus. Ben, bonne. Vous comprenez moi? Non. Je vous l'explique tantôt. Parfait. Vous vous souvenez hier de Jean-Sébastien qui s'est dénudé pour faire le même test que la journaliste Lily Boisvert qui s'était promenée topless à Montréal pour constater les réactions des gens. Vous vous souvenez de ça, non? Oui, bon, alors Jean-Sébastien s'était dénudé. Évidemment, Jean-Sébastien y est allé de sa méchanceté habituelle. Alors, on s'est dit qu'à l'émission, ça serait la moindre des choses de donner la chance à Lily Boisvert de répondre à M. Girard. Veuillez, mesdames et messieurs, accueillir la journaliste Lily Boisvert. Et nous tenons à spécifier que Jean-Sébastien n'était pas au courant. Je le jure que non. C'est une belle surprise. Parce qu'on se disait vraiment, Jean-Sébastien a été malhonnête, comme d'habitude. Et je trouve qu'il y a les choses un petit peu trop faciles, à mon avis. Alors, Lily, merci d'être sur notre plateau. Merci d'être habillée. Merci de venir nous voir. Ça me fait plaisir. Écoute, quand tu m'as offert la possibilité de venir vous traiter de mon oncle en personne, j'étais complètement ravie. Génial. Mais je suis venue principalement, effectivement, pour Jean-Seb. Jean-Seb. Oui. Tu permets que je t'appelle Jean-Seb? Absolument. Tu permets que je t'appelle mon oncle Seb? Limite, mais oui. Écoute, Jean-Seb, je t'écoutais hier mettre en doute mon intégrité journalistique et puis ridiculiser ma démarche. Et je me suis dit, ça y est, j'ai un fan. Mais je veux dire, t'es pas mon seul fan. T'as quand même de la compétition. Là, je m'en suis fait plusieurs sur les réseaux sociaux depuis que je suis allée seins nus dans la rue. Et notamment un dénommé Jones sur Twitter hier qui me disait « Lily Boisvert, ça c'est moi. Lily Boisvert, tu as aucune classe et tu es dégueulasse. Aie un peu de décence, salope. » Donc là, je m'avance un peu, mais je pense qu'il est en amour avec moi. C'est un peu gênant parce que toute cette chaleur humaine, ouais. Ça me fait rougir quand même. Mais bon, ben, mais c'est le fun, le feedback que j'ai. Sinon, il y avait aussi une femme sur Facebook qui me disait qu'en ce moment, elle essaie d'enseigner à ses enfants la différence entre les hommes et les femmes. Et là, il y a une freak de la Grand-Ville, ça c'est moi, une freak de la Grand-Ville, donc, qui vient de saper ses efforts. Mais moi, je comprends pas parce que je voulais aussi montrer la différence entre les hommes et les femmes, notamment en montrant que nous, on a moins de poils sur le chest que vous, les hommes. Ouais, c'est ça. C'est sûr que oui, je me suis rasé les seins avant de sortir, que mon clipper a lâché puis que mon lavabo a bouché. Ouais. Mais en général, on a quand même un petit peu moins. Sinon, Jean-Seb, je voulais revenir sur un reproche aussi que tu m'adressais. Tu me disais que c'était pas surprenant que j'avais pas eu de réaction parce que j'étais allée me promener dans le quartier gay. Ouais, mais ça, il y a pas tard, hein? Non, c'est un point que beaucoup de gens ont soulevé. Sur les photos, c'est ce qu'on voyait. On voit notamment... celle oui, de Dolorama gay. Je suis partie du Dolorama gay et du Jean Coutu, où gay. Le magazine gay oui. est toujours en vente dans le présentoir. Et donc, je suis partie de là et je me suis rendue jusqu'à passer la station Berry-UQAM, donc dans le quartier latin. Mais c'est vrai que pour la partie quartier gay, oui, j'étais là. Par contre, je voulais juste porter à ton attention que moi, le quartier gay, je le fréquente depuis très longtemps. Je me suis fait harceler sexuellement dans le quartier gay quand même à plus d'une reprise par des hommes. Et donc, non, il n'y a pas juste des gays dans le quartier gay. Il n'y a pas juste des latins dans le quartier latin. Il n'y a pas juste des bizarres à l'île bizarre non plus. C'est pas comme ça que ça marche, non. Ça, c'est une bonne réponse. Non. Puis, ça risque que, oui, tout le monde me dit en ce moment, me demande de recréer l'expérience, de le faire dans des conditions différentes, des conditions plus difficiles. Comme à la maison ou des trucs comme oui, ça? Oui, bah. Mais sinon, je me disais... Dans des parties privées, je sais pas. Je me disais, écoutez, moi, je suis prête à le refaire. Là. Je suis très ouverte. Je peux le faire cet hiver, à moins 30 degrés, sur un fil de fer, avec un bébé crocodile dans les bras. All right. Puis là, on peut ajouter un niveau de difficulté aussi. On peut mettre sous le fil un bassin d'intégristes religieux. OK. Ça vous plaît? Ça m'intéresse. Bon, ben je vais vous organiser avec le setup. Hey, merci Lily d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir. Ah, quelle belle réponse, Jean-Sébastien. Mais là, je vous garderai bien, mais je pense que vous avez 26 entrevues à faire. Oui. oui, oui. OK, bien, continuez vos entrevues. Merci d'être venu répondre à Jean-Sébastien. Il est insoutenable. C'est rare une voix de fille à votre émission. On travaille là-dessus. On travaille très fort là-dessus. J'espère. C'est pour ça qu'on vous a invité. Tranquillement, on fait la transition, hein, Gabriel. J'aimerais me dissocier. J'aimerais me dissocier. Oui. Sur les ondes publiques. Sur mon les ondes Dieu, que je trouve ça drôle en même temps. Bon, là, on va vraiment avoir une voix d'homme. Mais cela dit, oui? C'est, tout ça n'était pas prévu du tout, là. Et je trouve ça le fun que le samedi, on puisse rire des gens et qu'ils viennent le dimanche nous le mettre d'en face. Moi, ah, je pense ça, oui. Que... Ça, non, vraiment. Non, mais c'est vrai, ça. C'est oui. vrai. Et bravo à Lily Boisvert d'être venue s'asseoir oui, quand même pour venir défendre tout son fait, point. Bravo. Vous donner un char, comme on dit. Ouais. Ah oui, ah, ouais. Ouais, vraiment. Bravo à Lily. Merci énormément. Mais si je peux me permettre une réponse rapide. Et puis là, hein. Quand... Mais c'est pas grave. Nos auditeurs sont là. Pour vrai, je me disais, bon, je vais lui répondre de façon assassine, mais je suis un peu charmé par sa réponse et la personne qu'elle était, alors... C'est extraordinaire, j'ai hein? J'ai rien à dire. Merci, mon oncle Jean-Seb. Alors, une voix d'homme l'a présenté notre deuxième invité. Je suis désolé. Député de Granby pour la CAQ, c'est déjà son troisième passage à la soirée, est encore jeune. C'est un ami de l'émission. Oui, on en a des amis de droite. Accueillons François Bonnardel! Un vrai ami de l'émission, François Bonnardel, bienvenue à la soirée. Nouvelle mouture, hein? Oui, le week-end. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe, Radio-Canada? Ça coûte trop cher? Ouais, je sais pas. On a le même salaire, on fait quatre fois plus. C'est comme ça partout, hein, François, vous le savez. Mais c'est merveilleux, merveilleux. Bravo, hein? C'est quand même... après, il y a d'autres... Ouais, d'autres... Bravo, ah ouais, applaudissez, François. Hein. Bon concept. Monsieur le député, on vous dérange dans votre dernière fin de semaine avant la rentrée parlementaire? Oui, c'est bien. Ça vous dérange pas trop? Pas du tout. C'est comme une rentrée universitaire à l'école. On est toujours un peu excité. C'est relax. Oui, oui, mais écoute, tu sais, on voit les collègues, tout ça, puis c'est bien mal fun. Oui, ça se passe comment une rentrée parlementaire? Parce que là, il y a eu quand même de gros changements pendant l'été. Ben, il y a eu les élections, évidemment, mais là, il y a eu pas mal de brasses pendant l'été. Ça a bougé dans plusieurs domaines. Oui. Et là, on rentre au Parlement, puis à l'Assemblée nationale. Il y aura une élection partielle dans Lévis dans les prochains jours. Je cherche un candidat, une candidate. Est-ce Gabriel? Que vous cherchez, Gabriel? On a des affinités, la CAQ, toi et moi, peut-être? Un candidat... Un candidat dans Lévis, là, cet automne, non? Oh, t'as l'air... Tu y penses? Non, mais j'ai trouvé. Sur oui? les mini-centrales, nous étions d'accord. Ah, tout à fait. Tout à ah ben fait. Oui! Mini-centrales, le dossier, les fameux vrai, dossiers des vrai. Mini-centrales. Hein? Ouais. Beaucoup, beaucoup comme... d'argent, mais... Ah ouais. Ben, tu vois, il y a quand même un rapprochement. Mais au village, non, on a les régimes de retraite, tout le monde en a entendu parler. Ça, là, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord, Gabriel Nadeau-Dubois et François Bonnardel, sur les régimes de retraite? Je ne crois pas. Je présume que. Je ne crois pas, mais. C'est quoi l'opinion de François Bonnardel? Il y a sûrement des points où on est d'accord sur les déficits passés, Gabriel. Penses-tu qu'il faut faire payer? Je pense qu'il y a peu d'acteurs actuellement qui disent qu'il n'y a aucun problème. Même, je pense, les organisations syndicales reconnaissent qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose avec les déficits passés. Je pense que ce qui déplaît à beaucoup et à moi, c'est l'approche mur à mur. Hein, c'est-à-dire, on impose des conditions à toutes les régions. Mais mon Dieu, là! Mais sincèrement, il y en a qui sont plus déficitaires que d'autres. C'est les actuaires. Qui sont pas c'est les actuaires qui devraient payer tout ça, sincèrement. C'est eux autres. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des pompiers policiers qui prennent leur retraite à 49, 50, 52 ans et qui vont être à la retraite plus longtemps. Le nombre d'années qu'ils ont travaillé. C'est mathématique ce qu'on a devant nous, mais on ne fera pas un débat là-dessus. Les gens vivent trop longtemps, ça, c'est mon avis, mais bon. Ça a toujours été un problème, ça. François Bonnardel, bon, on le disait, c'est la rentrée parlementaire, mais avant toute chose, il y a eu des rumeurs. De? Ben, que le Parti conservateur s'intéressait à François Bonnardel. J'ai entendu Stephen Harper tantôt, j'étais tout excité. Ben oui! Hein? Est-ce que c'est une voix que vous connaissez beaucoup au téléphone, par non, exemple? Pas du tout, non. Parce que oui, il y a des rumeurs que Stephen Harper et le Parti conservateur cherchaient des candidats au Québec. Non, mais... Et là, bon, on a parlé de vous. Oui. Vous avez nié. Oui, tout à fait. En fait... Puis je le nie encore une fois. Ouais, vous voulez pas aller au... Non, j'adore le Québec. J'adore le Québec. Mais pourquoi? J'adore c'est tellement plat. Oui, non, mais l'actualité, non, c'est que ça se passe. On peut être député au fédéral du Québec? Vous n'allez pas déménager? Non, là, mais c'est pas le même concept. Moi, je veux changer les choses au Québec. Le fédéral, ça ne m'excite pas plus que ça. Puis ça ne m'excite pas d'aller au fédéral, ni avec les conservateurs, ni avec M. Trudeau, puis ni avec M. Mulcair. Qu'est-ce que vous pensez du Parti conservateur du Canada? Ah, ça, c'est non, la vérité. Si vous aviez à choisir un parti fédéral, est-ce que ce serait celui-là? La vérité, Gabriel, c'est que je suis un progressiste conservateur. Si on avait un Brian Mulroney qui revenait, Bernard Lord, ou un Jean Charest, j'étais peut-être... Non, j'ai des flashbacks de 2003, 2012, Jean Charest. Je sais pas si vous autres, vous êtes excités, là, mais moi, ça m'excite pas, Jean Charest, mais ta réponse est bonne, mais non, à la base... C'était un progressiste conservateur. Tout à fait, mais non, j'ai le portefeuille à droite, mais j'ai le cœur à gauche. Ah, c'est ça qui arrive, hein? Puis est-ce qu'il y a, à part le Parti libéral, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire au fédéral? Mais non, de toute façon, vous restez non, au Québec. Non, mais je reste au Québec. Je suis bien où je suis, puis je veux faire élire la coalition à la prochaine élection. C'est notre grand défi. Faire élire des députés à Montréal aussi. Ah, mais ça, c'est de la job, ça, faire élire des députés de la CAQ à Montréal. Ben, d'ici 2030, on devrait y arriver. Oui. Ben, est-ce que vous avez des plans comme Bernard Drainville? Non, mais quand même. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est une bonne question. C'est faisable. Ben, bon, il y a des gens qui disent non, mais en même temps, c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Savez quoi? Je vous le dis, on va briser la dualité politique que vous connaissez depuis les 45-50 dernières années en votant pour le PQ. Ou le Parti libéral. Mais après moi, non, mais je pense pas, moi, parce que je pense qu'il n'y aura plus de PQ, ça va être encore la dualité. Ça va être le PQ de la CAQ. Non, mais il y a Québec solidaire. Il y a Québec solidaire. Qui ça? Québec solidaire. Vous savez bien qu'à dire qui est ici, là, dans le comté? On n'est pas sur le plateau. Il y a un grand voile sur le comté, d'ailleurs. Mais vous savez que Québec solidaire a un plan assez fort, parce que c'est un député par élection. Oui. Et c'est vrai. D'ici 2100, il aurait été opposition officielle. C'est ce qu'on se dit. Tranquillement, ça s'en vient. Là, évidemment. Il s'est passé quelque chose aussi d'assez gros à la CAQ pendant cette pause, c'est le départ de Christian Dubé, hein? Ouais. Le seul qui savait compter. Et je me dis, mais c'est quand même le député d'importance de l'économie. Parce que l'économie est quelque chose d'important à la CAQ. Ouais. Christian Dubé, c'était votre figure de proue. Qui avait l'économie? Ouais. Mais vous savez quoi? Ouais. Christian, il se fait appeler par Michael Sebia de la Caisse de dépôt. Ouais. On lui dit, Monsieur Dubé, voulez-vous gérer le portefeuille du Québec? On met 50 milliards dans l'enveloppe pour soutenir l'économie québécoise, donc les entreprises québécoises. Ça serait le fun qu'on puisse vous parler. C'est plate parce que oui, c'est un maudit bon député, un maudit bon collègue qu'on avait à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'est un gain énorme pour le Québec, pour soutenir le nationalisme économique, si je peux l'appeler ainsi. Puis je pense que Christian va faire une maudite bonne job avec la Caisse de dépôt. Vous avez le cœur sur la main. Hein, oui. Est-ce qu'il y a des gens... La vérité, là, c'est que tout le monde y aurait pensé à l'Assemblée nationale. Peu importe qui se fait appeler. Même matin, tu regardes l'offre comme celle-là, puis c'est sûr que même moi, là, je me fais appeler, puis je dis, ouais, tu y penses, c'est certain. Qu'une demande de Stephen Harper. Oui. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'à la CAQ, il y a des gens qui ont commencé à prendre des cours d'économie pour le remplacer? Oui, tout à fait. Qui pourrait remplacer? J'ai été porte-parole aux finances 4-5 ans. Là, aujourd'hui, on a Claire Sanson, notre députée d'Héberville, qui a hérité du dossier. Puis non, on a un bon mix de députés juniors, de députés seniors, si on peut les appeler ainsi. Puis Claire va se faire valoir, tout comme Christian n'était pas du tout connu voilà 2 ans déjà, puis qui est devenu un incontournable dans notre parti. Il a fait du travail très, très important. Mais ça va être notre défi de faire connaître les autres aussi. Parce que on en parlait tout au début de l'entrevue. À Lévis, il va falloir trouver C'est pour ça que je suis ici. Un député. Ah oui, c'est vrai. Parce que vous savez qu'on n'est pas à Lévis. Hein? Je voulais passer une entrevue. Non. On ne sait jamais. Il y a peut-être du monde qui a des familles dans Lévis. Qui a envie de déménager à Lévis? Personne. Maudit beau coin, c'est Québec. C'est très beau, hein? Vous savez, mon cousin vit à Lévis, hein, c'est super. Le fleuve, vous avez une vue sur le fleuve, le bureau est juste sur le bord du fleuve Saint-Laurent, vous traversez matin et soir, parlement. Non? Bon, ben votre job est fait ici, il n'y a vraiment personne pour vous. Mais est-ce que vous avez quand même des idées en tête? Est-ce que vous avez des gens que vous voudriez voir, là? Oui, je peux pas rien vous annoncer. Mais est-ce que vous en avez pour vrai des idées? Vous pouvez pas nous dire... Oui, mais des idées, mais des candidats ou des candidates... honnêtement, on est persuadé que le Parti libéral va déclencher l'élection dans les prochains jours. Selon nous, ça va être bientôt. Donc oui, il faut être prêt, puis on est prêt. Les prochains dossiers qui vont vous intéresser à la rentrée, ça va être lesquels? Parce que bon, on parlait de ce projet de loi 3, là, mais il y en a d'autres. Il y a le tarif en garderie, par exemple. Oui, ça aussi. Mais ça, on a toujours dit, puis on continue de prôner le fait qu'il faut augmenter les tarifs selon l'inflation. Pour nous, c'est inconcevable d'y aller moduler selon les revenus de la famille. Si la famille gagne 100 ou 125 000 $ qu'on hausse ces tarifs, pour nous, c'est inconcevable, puis on ne laissera pas passer ça. Vous, Gabriel? Honnêtement, si on avait modulé les tarifs à l'inflation, excuse-moi, Gabriel, dès le début, quand ces tarifs étaient à 5 $ on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Ça aurait été équitable et responsable de le faire. Maintenant, on n'en est pas là. C'est la même chose avec les frais de scolarité, j'imagine? Même chose. Même chose. Vous êtes d'accord avec ça, Gabriel? Parfait. Parce que si les salaires étaient indexés à l'inflation, je serais peut-être d'accord, mais malheureusement... Mais tu sais quoi? Si l'économie... Gabriel, t'as raison. Si l'économie allait bien... J'ose croire que tous les entrepreneurs dans le privé seraient capables d'augmenter les salaires à 1,5, 2%, 3%. Ça part mal. Non. Il y a 650 milliards en liquidité des entreprises canadiennes qui dorment dans des comptes. Ouais. On pourrait peut-être juste un 10% à distribuer. Là, ça serait déjà une différence. Oui, mais la confiance n'est pas là. C'est mathématiques qu'on a devant nous au Québec. Tu parlais tantôt, qu'est-ce qu'il va y avoir de sexy? La révision des programmes pour bien du monde, là, c'est peut-être superficiel, là, mais ce qu'on a devant nous, là, ce que le gouvernement va essayer de faire, là, c'est de réduire donc des organismes, des sociétés, réduire les dépenses, que M. Charest... Et réduire les revenus aussi, depuis des années. Mais c'est pas réduire les revenus. Les revenus, il n'y en a pas. Non, mais on a réduit, entre autres, les impôts aux entreprises depuis la fin des années 70. C'est passé de 38 à 15%. C'est quand même de l'argent qui rentre plus, Mais Fred, il faut donner un break aux sociétés. De l'autre côté, il faut donner un break aux gens qui sont ici. Depuis 2010, là, je suis venu l'une des premières fois que je vous en ai parlé. M. Bachand puis M. Charest, en 2010, là, sont allés chercher 200 piastres de taxe santé, 2 points de TVQ, ont indexé tarifs, taxes sur l'essence. C'était 12 milliards d'impoches du monde. Pour 2013, on devait balancer le budget. Le PQ est arrivé au pouvoir. Deux ans plus tard, on ne balance toujours pas le budget. Ce 18 mois-là du PQ a vraiment mis... C'est malade. Non, non, vraiment. Non, non, non, c'est pas ça. La... Non, sauf que c'est structurel, ce qu'on a devant nous. C'est structurel, bien, donc ça va être le défi que le gouvernement a en place pour réduire ces dépenses. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite partie idéologique là-dedans de couper les services publics pour après ça être obligé de se retourner vers le privé. Sincèrement, là, j'ai un petit peu l'impression... Là, je lis ça à gauche et à droite, c'est pas une opinion. Non, là. C'est la Banque mondiale. En fait, Fred, il y a un mot pour ça. La Banque mondiale appelle ça le défaut volontaire de ressources. Ah. C'est une stratégie développée là-bas, justement, pour assécher les coffres, puis après suite... Bon, ben vous irez prendre un café, là, avec Je sais pas que tout va bien, il faut rien toucher, mais on sent quand même... Ben, vous savez, c'est un souffle... Pour bien du monde, c'est peut-être pas sexy, l'économie, mais suivez ça de près dans la prochaine année, parce que ça va être important. Parlant de sexé, Lynn Beauchamp, vous avez êtes un peu fâché cette semaine. Oh, mais vous êtes fâché cette semaine contre les nominations partisanes du Parti libéral. Bon, on parle évidemment Lynn Beauchamp et Christos Siros et Lynn Beauchamp à l'UNESCO. Mais en même temps, là, la question que j'ai envie de vous poser, quand la CAQ va être au pouvoir, 2018, est-ce que vous allez faire pareil? Non, c'est quoi? C'est ce que j'ai proposé. Puis ce qu'on a proposé, voilà, une couple d'années déjà, c'est pour les nominations partisanes, que madame soit nommée comme déléguée générale à Bruxelles parce que le premier ministre veut la nommer là, ou monsieur, ou d'une société d'État, il faut qu'un projet de loi qui soit déposé pour qu'une commission parlementaire puisse se pencher sur les propositions que le premier ministre va faire, qu'on soit capable de les étudier, d'évaluer les CV, puis qu'après ça, on fasse des recommandations, puis qu'on mette le gouvernement à l'abri. À l'abri de toute pression. Donc, pour nous, c'est important d'étudier ces CV. C'est quoi? C'est parce qu'en même temps, le PQ s'est longtemps fâché contre le Parti libéral avant que le PQ prenne le pouvoir sur les nominations partisanes. Le PQ est arrivé, ils en ont fait 2-3. Hein? Les libéraux ont fait 500 nominations partisanes de 2003 à 2012. Le Parti québécois en a fait 50. Là, j'ai vu Agnès Maltais là, qui a déchiré... sa chemise. Ah, puis ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun pour personne. Bon sens. Non, je pense qu'il n'y a personne qui est crédible. Il faut changer la loi, puis il faut que les gens se disent, bien là, c'est pas parce qu'on change de gouvernement que les petits amis vont être encore nommés à un poste de délégation d'une société. Regardez, il y a Nicolas Girard qui a été nommé à l'AMT. Il y en a plein d'autres qui ont été faits. Mais il fait un bon travail, quand même. Il fait un job honnête. Est-ce qu'il était juste honnête? Bien, il fait un job honnête. Il fait un job honnête. Moi, j'ai pris l'autobus l'autre jour, je te mets satisfait. Moi, regarde. Vous nous faites croire que vous prenez le transport en commun. Oui, là, c'est ça. Dire, franchement. J'ai pris une douche à 3 heures après, c'est ça. Tu ne promènes pas en vélo, Fred? Non, moi, je suis en scooter. Ah, c'est bien, ça. Ou le car to go, hein? Car to go. Fred adore ça. Autopartage. Oui, tout à fait. En terminant, vous savez, on a reçu Pierre Curzi hier pour parler de souveraineté. Et vous avez annoncé que le projet souverainiste était en train de mourir. Sauf que François Legault... Sais-tu comment je l'ai dit? Non, comment vous êtes ça? Comment je l'ai dit? Non, dites-moi. J'étais en entrevue. L'entrevue se terminait, c'était au bout de 7-8 minutes. Puis c'était qui l'intervieweur, l'animateur? Je me souviens plus. Le journaliste, il me dit, « M. Bonnardel, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de Bernard Drinville qui dit que, bon, faudrait ramener le projet souverainiste en 2025? » J'ai dit, « Le projet de société, qui est la souveraineté et l'indépendance, se termine tranquillement. » Ah, c'est bien. Pas vite. Mon Dieu, c'est pas vite. Donc, tranquillement, si vous mettez une destinée à chaque tranquillement, c'est peut-être dans 35-40 ans, les journalistes l'ont interprété comme soudainement, je venais de dire que le projet souverainiste venait de mourir. Ben, et là, il y a eu une contradiction supposée. Ben non, mais c'est parce qu'il y a François Legault qui a dit que c'est que le projet de souveraineté ne mourra jamais, mais c'est une maudite chance que vous ne soyez pas dans le même parti, les deux. Mais non, mais il y en aura toujours. Là, j'ai jamais dit qu'il n'y en aura pas. C'est certain que les souverainistes indépendants, il y en a. Là, quand on s'en va en Écosse là, cette semaine, on va en entendre parler toute la semaine. Est-ce que vous envoyez des gens à la CAQ en Écosse? Pas du tout, pas besoin d'aller en Écosse. On va l'écouter, on va le suivre. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce que Louis va gagner? Ça va être chaud, honnêtement. Là, c'est toute une remontée du oui depuis les derniers 10 jours. Puis... Non, écoute, c'est les souverainistes sont excités. Puis là, il y a Mme Ouellette, il y a M. Cloutier qui sont partis, je pense, ce matin. Ah oui, mais ben, en même temps, je me dis, j'espère que Mme Ouellette est partie hier parce que le texte de Fred est assez rough. Hein? Vous restez avec nous pour le reste de l'émission. Avec plaisir. Ben, ça, c'est génial. Merci beaucoup, François Bonnardel. Un ami de l'émission, on va le réinviter d'ici la fin de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez avoir une carte. Ça, c'est clair. En attendant, on ne se tanne jamais des pubs Trivago, on écoute. Non, justement. Je veux aller en Écosse. Je veux trouver mon hôtel pour voir des fédéralistes virer de sourds et faire un love-in à un peuple dont ils se collissent depuis 300 ans. Comment c'est possible? Avec le oui en avance. Mon hôtel, très peu haut. La circulation. Et un peu de météo. Oui, un petit peu de météo. J'ai piqué les gens de Prince-Georges au vif parce qu'ils sont sortis avec des serviettes et ils ont chassé la brume sèche. Il fait maintenant soleil, il fait 21 degrés. C'est pas des farces. C'est vrai? Oui. Extraordinaire ce que vous faites. Hein. Votre impact, c'est sans commune mesure. On note un temps d'attente, selon Simon, de 15 minutes au service au volant du Tim Hortons de Saint-Félix-de-Valois, capitale québécoise de la volaille. Alors, on est désolé pour les amateurs de muffins au sucre. Et on suggère que Jean-Philippe est le seul animateur dont la voix est aussi sensuelle que son visage. Alors, c'est Simon qui dit ça. Il y a Céline Gagnon à... Elle est pas si pire, votre voix. À Vauvert. À Vauvert, sur le bord du lac Saint-Jean. Pas de vagues, pas de quatre roues, pas de bateau. Alors, c'est tranquille là-bas. Hey, vous savez que je passais mes étés à Vauvert hein, quand j'étais jeune. Mais oui, tout à fait. Bon, qui a écrit ça? C'est Céline Gagnon. Ah, je la connais pas. Bon. Alors, il y a Julie qui nous dit que pour notre information, sur la 132 à Saint-Anne-des-Monts, la circulation est vraiment très fluide. Il n'y a pas de congestion à l'intersection. Alors, émission de service. Et beauté d'un grand pays à Saint-Jean-Terre-Neuve, c'est déjà la nuit. Ben, je vous remercie énormément, frère. Oui, voilà. Alors, c'était la météo et la circulation. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes un peu un Pascal Yakovakis et un Yves des Hôtels mélangés. Un Pascal des Hôtels. Merci beaucoup, c'est bon. Les anniversaires de la semaine, Jean-Sébastien. Oui, voilà. C'est aujourd'hui même l'anniversaire du comédien Jacques Godin. Mmh. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est lui qui jouait dans Being at Home with Chloé. Oui, exactement. Qui faisait le spectacle. Comme si j'étais un épais. Voilà. 1990. Tout le temps de traiter de niaiseux. On a vu évidemment Fred dans Sous le signe du lion, la mouture de Françoise Laranger, 1997. Vous n'êtes pas obligé de faire sa biographie au complet. Non. François Laranger. François Laranger qui a fait la mouture originale. C'est ça. Et c'est, le nom de celle qui l'a refait. Jean-Sébastien. Une grande féministe, une auteure décédée. Hélène Pedneau, voilà. Bon. Il y a des gens qui nous écoutent. Hein. Oui, Jacques Godin est né sous le signe de la Vierge. Et son année de naissance, c'est 1930, donc en astrologie chinoise. C'est un cheval de métal. Ça ne surprend pas. Hein. Voilà. C'est également aujourd'hui l'anniversaire du grand acteur, le grand animateur et l'homme engagé socialement, Jasmin Roy, qui célèbre son 49e anniversaire de naissance. On le sait, Jasmin Roy qui a joué dans Chambre en ville et qui braille depuis 20 ans parce que ses petits amis n'ont pas été faits avec lui dans la cour d'école. Ça me semble être de l'intimidation. Ça me semble être rassembleur, en tout cas, comme commentaire. Jasmin Roy est sous le signe de la Vierge. Hein? Et son année de naissance est 1965, donc dans l'astrologie chinoise, c'est un dragon. Ah. Arrêtez donc. Que c'est intéressant, tout ça. Ah, mon doudou Seigneur Jésus! Vous savez c'est quoi, hein? C'est mon moment préféré de l'émission. On peut jouer à ce petit jeu qui nous fait poser cette éternelle question quand on parle de notre bonne vieille télé. Coudonc, cette actrice-là, es-tu morte ou est vivante? Ah oui, c'est notre quiz de la semaine. Et cette semaine, notre quiz passe à un autre niveau. C'est vrai? J'ai trois questions pour vous tous sur le plateau. OK? Et ce sont trois extraits audio. Je vous fais jouer un extrait et vous devez me dire qui joue cet extrait. Donc, évidemment, qui est l'acteur ou l'actrice qui est dans cet extrait? Okay. Et vous devez également me donner le personnage joué dans cet extrait, s'il y a lieu. Et vous devez me dire si cette personnalité est... morte ou vivante. Exactement. Alors, tout le monde joue. On va tester les affaires, là, les petits les buzzers. Buzzers. Exactement. Olivier, votre buzzer? Pout. Jean-Sébastien? Fred? Hey! Gabriel? Oui. François? Ah! Un vrai buzzer! Ça, c'est un vrai buzzer. Enfin, quelqu'un de sérieux qui joue au jeu, là. OK, alors, je vais donner un extrait. Les gens dans la salle, si vous le savez, vous pouvez crier. Ben non. Ben oui. OK. Voyons donc. On fait participer les gens dans la salle. Il n'y a pas de trophée à la fin de ça, là. OK? Alors, on écoute un premier extrait et vous devez me dire le nom de l'actrice. OK? Et ensuite, vous devrez me dire aussi le nom du personnage. Et c'est les mots vivants. On écoute un premier extrait. Pourquoi t'as demandé à Serge de te conduire au chalet, de te laisser là tout seul, puis ça, après t'allais voir Pierre-Luc à l'île aux pierres? Qu'est-ce qui t'a dit, Pierre-Luc? Qu'est-ce qui t'a l'air d'en savoir Fred, ça va? Je pense que c'est Marie Tifaut. Non, ce n'est pas Marie Tifaut. Ah. Ce n'est pas Marie Tifaut. Alors, je peux donner des indices. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, premier indice, cette comédienne a joué dans Watatatao. Ah, boy, oui. OK, c'est continuez. C'est Châtel. Oh! Carole Châtel! Oui! La bonne réponse de Fred et de Jean-Sébastien. Carole Châtel. Elle est alors, on a un elle point. Elle faisait la mère. Bon, son nom? Son personnage, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Oh. Carole Châtel dans Ouattatata. C'est dans l'Ouattatata? C'est dans... Voyons, dans Ouattatata. Ah, c'est un extrait de Ouattatata. Oui. Je viens de vous le dire. Ah. Ben, son personnage, c'est la mère, là. Voyons donc, il y a des gens qui ont écrit Ouattatata quand même. Pardon? C'est Marie Couillard! On est passé dans le public qui l'a trouvé, Marie Couillard! Ah, c'est la mère de Hugo, le drummer, là. Ben oui. Hugo Saint-Cyr. Hugo Saint-Cyr. Exactement. Alors, Fred Savard, un point. Une fille dans la salle, un point. Bon. Excellent. Évidemment, morte ou vivante? Elle est vivante. Ben oui, évidemment, elle est vivante, franchement. Alors, ben c'est merveilleux, mon Dieu, ça va très bien, ce quiz-là. Ça va très bien. Alors, la deuxième personnalité, on écoute l'extrait. Je viens de penser à ça, là. Pour mon capital de départ, on pourrait peut-être prendre une deuxième hypothèque sur la maison. Hein? Non, écoute pas, je vois vraiment pas ce que ça changerait. Moi non plus, à vrai dire, mais il faut bien que je trouve une solution quelque part. Tu veux pas qu'on touche à nos économies? C'est Claude Préfontaine. Non, mauvaise réponse, Fred Savard. Vous êtes disqualifié, je suis désolé. Alors, on continue. On le refait jouer. C'est qui celui qu'on mélange toujours avec Claude Préfontaine? Il y en a deux comme ça qu'on a toujours mélangé. Ben, j'aurais dit l'autre, mais je me rappelle juste de Claude Préfontaine. Mais il faisait le mari de Dodo dans la première mouture de Moi et l'autre. Eh mon Dieu, je pense pas que ce soit ça, par exemple. Il était avocat, non? Non, je ne pense pas. On réécoute un petit peu. Okay. Je viens de penser à ça, là. Pour mon capital de départ. On pourrait peut-être prendre une deuxième hypothèque sur la maison. Je suis sûr, c'est Claude Préfontaine. Oui, c'est... Non, c'est pas Claude Préfontaine. Je vois sa face. Moi non plus, à vrai dire, mais il faut bien que je trouve une solution quelque part. Tu veux pas qu'on touche à nos économies? Je le vois, il y a toujours une face en grimace, Jean-Philippe. Comme faire à ce projet-là. Ah, c'est pas Jacques Tisdale? Oui! Oh! Jacques Tisdale! C'est quand il s'est choqué que j'ai reconnu. Ah oui? Oui. Et c'est dans quel téléroman? Entre chien et loup? Non, ce n'est pas Entre chien et loup. Il n'y avait pas d'hypothèque dans ce temps-là. Non, il était, il était dans Dominique avec Dominique Michel où ouais, il faisait l'antiquaire. Non, c'est dans... Tandem? Paul-Marie et les enfants! Tout à fait, tout à fait. Mais frère, vous êtes extraordinaire. Mais il n'y avait pas Carole Châtel dans Paul-Marie et les enfants? Comment? Paul, je pense que... Il y avait Paul Châtel, faudrait faire vite, la salle se vide. Carole Châtel, pardon. Était la mère, Paul Marie les OK, enfants. D'accord. Alors, évidemment, mort ou vivant? Ah, il est décédé. Non, il est vivant. Ah oui? Ah. Ben, oui, non, vous êtes donc pas fort, Fred. Ben, je peux dire... On le salue, d'ailleurs. Vous vous rappelez de lui, hein? Il y a une grosse moustache, Jacques Tisdale. Ben, oui. Il faisait les annonces de Sico. Oui. Il chantait Sico, Sico. Par-ci, Sico, Sico, par-là. OK, troisième question, évidemment. Là, c'est le thème. C'est le thème d'une facile, série télé. Okay? Alors, vous devrez trouver cette série télé. On commence. Na, na, na, na. De la chanter, na, ça suffit na, pas. Na, na, na, na, na. Mais voyons donc. Est-ce que c'est la bonne aventure? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une vie? Le parc des bras dans la salle, extraordinaire! Mon Dieu, que les gens sont bons! La salle gagne. La salle est en train de gagner. Avec Marie Tifaud, je le savais. Marie Tifaud, Gérard Poirier. Ouais, mais c'est ça, non, tout est dans tout. Est-ce que quelqu'un est capable de raconter rapidement l'histoire du parc des Braves? Ça se passait durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et c'était l'histoire de... L'histoire de ça se passe à Québec. Là, d'une maison, là. Dans une maison. Avec où, Emmanuel Bilodeau qui était soldat. C'était pas facile, la guerre. Emmanuel Bilodeau. Mais je veux pas là-dedans. Ben oui. OK, ça suffit, messieurs. Ben oui. Hey, je tiens à Vincent donner... Vincent Bilodeau. Jean-Sébastien, juste vous dire... Oui. OK, parfait. Juste vous dire, c'est la salle qui a gagné. Alors, un gros bravo, Jean, dans la salle. Et je suis très, très déçu de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a l'air d'en connaître pas mal sur la gratuité scolaire, mais très peu sur la télé. Ouais. Franchement, là, je suis extrêmement J'ai déçu. J'ai absolument rien à dire à ma défense. Et, ben non, je sais bien. Et François Van Ardel était très d'accord avec la salle, donc je donne deux points à François également. Vous avez gagné. Merci bravo énormément. La salle, bravo la salle. Une chance qu'il y ait un public, hein? Histoire pour les Y, avec le professeur Frédéric Savard. Oh boy. Ouais. Ben ça, c'est le moment très important de l'émission où on en apprend. Hein, parce des que fois on apprend, oui, des fois non. On n'apprend absolument rien pendant deux heures, mais il y a ce cinq minutes-là où est-ce que vraiment on peut repartir chez nous et se dire « Ah ben, j'ai retenu quelque chose. Hein. » Ben, on espère, mais il y a des gens qui nous ont écrit, évidemment. Vous savez que je mets des petites erreurs factuelles. Dans vos textes. Donc, on se rappelle que la semaine dernière... Ça, c'est très commode. Fred nous a raconté l'histoire de Brian Mulroney. Oui. Et c'est là, très intéressant. Et j'avais dit qu'il documentaire, vous l'avez écouté. Hein? Hein? Le documentaire de... Tout à fait. Oui. Et il a même lu le livre. Non. D'où les erreurs. J'ai pas eu le Allez-y. Temps. Non, mais c'est voulu, hein, vous le savez. Alors, oui, j'avais dit que Brian Mulroney avait fait son droit en 1964. En fait, non, c'est en 1963. Alors, c'est Louis Aymon qui m'a écrit. Il avait raison, effectivement. Et j'avais disséminé ça un petit peu dans ma chronique. Et il dit à la fin, je vous ai presque souhaité à la semaine prochaine. D'ailleurs, en parlant de votre émission à un ami, j'ai un jour appelé « La fin du monde est encore jeune ». Ah, ça c'est un drôle, bon titre. C'est quand même mieux que si je l'avais appelé « La soirée est pas trop tôt ». Alors, c'est Louis Aymon. Et il y a Marc Belette qui m'a dit que j'ai fait une petite erreur aussi, François, vous allez être d'accord, j'avais dit que la TPS et la TVQ étaient séparées, ben non, ils ont été harmonisés. J'avais dit ça dans ma chronique la dernière fois, mais on le savait tous, évidemment, c'était pour attirer l'attention des gens. Voilà. Et alors, c'est des auditeurs attentifs, on est très contents. Cette semaine, l'actualité m'oblige, je suis désolé, à vous parler de Georges-Étienne Cartier. Ben oui. Dont on commémorait le bicentenaire de naissance la semaine dernière, le 6 septembre. Je sais, un père de la Confédération, c'est souvent un sujet ennuyeux. Et j'ai prévu le coup. J'ai donc apporté cet objet. Question de prévenir que les Grecs ne s'endorment pendant les bouts les plus informatifs de mon histoire. Alors, quand vous entendrez ça, c'est qu'il y a des gens qui s'endorment. Donc, né le 6 septembre 1814 dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu, la famille Cartier... Vous pouvez peut-être immédiatement faire un petit bruit. Voilà. La famille Cartier, marchand de père en fils, est au Canada depuis 1735. C'est quand même une vieille famille. Ce qui n'est pas si énorme, la famille Savard, dont je porte fièrement le nom, est au Canada depuis 1684. Wow. Simon Savard est le premier Savard à avoir foulé le sol canadien. Il serait bien faire aujourd'hui de m'entendre, j'en suis certain. Alors, Cartier fait ses études au Collège de Montréal. Collège qui existe toujours, d'ailleurs. Ah oui? Hein? Oui, oui, oui. Et dans le but de devenir avocat, il commence à 17 ans sa cléricature. Pardon? À l'étude juridique d'Édouard-Étienne Rodi à Montréal. J'imagine que vous ignorez ce que veut dire le terme cléricature. Ben, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent? Bon, je vais vous l'expliquer. Ben voilà, je suis désolé pour les autres. Alors, une cléricature veut dire état aux conditions d'un clerc, d'un notaire ou d'un officier ministériel. Évidemment, les plus vieux comme moi auront bien sûr tout de suite en tête le passage d'Honoré de Balzac dans son roman Le Capitaine des Antiques, paru en 1838, où il écrit... Et là, vous pourrez le dire avec moi. Je me souviens avec délice d'avoir fait mes premières armes dans notre honorable carrière chez ton père, où tu m'as aimé, pauvre petit clerc que j'étais. C'était ça ses souvenirs de cléricature, si doux à nos cœurs que je m'adresse. Je vois que les plus vieux dans la salle là, qui le récitent en même temps, je vois leurs lèvres bouger. Alors, en 1834, donc, Cartier écrivit et chanta « Au Canada, mon pays, mes amours », une chanson patriotique à ne pas confondre avec le « Au Canada », l'hymne national du Canada pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je serais même pas étonné que notre gouvernement la trouve pas assez monarchiste et demande à Nickelback d'en écrire un nouveau. Au Canada, mon pays, mes amours, a été immortalisé sur disque vinyle. On sait que c'est la grosse mode. Il paraît chez les hipsters, les vinyles, hein, tout comme la dactylo, ça revient. Là, ça se croit original, ces gens. Donc, la chanson de Jihi, on peut l'appeler comme ça, est enregistrée une première fois sur 78 tours par Victor Rosselier et Joseph Saussier. Jean-Sébastien et Joseph Saussier, je pense que ça vous rappelle de bons souvenirs. Vers la fin du 19e siècle. Et comme dirait Ding et Dong, là, le 19e, c'est un siècle, c'est pas un arrondissement. Fait intéressant, en 1976, Roger Doucet, François, vous vous rappelez sûrement de Roger Doucet. Roger Doucet, oui. Mm-hmm. Qui chantait les hymnes nationaux au Forum de Montréal. Ah oui, hein? Oui. Alors, il a également chanté sur son long jeu « Chant glorieux ». Je n'ai pas le numéro de référence, mais Edgar Fruity pourra le dire la semaine prochaine à Le Bigot. RC 443-6. Voilà. Alors, toujours en 1834, Georges-Étienne Cartier participe à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, une société qui existe toujours... mais qui aujourd'hui sent la laine de mouton mouillée chaque fois qu'elle ouvre la bouche. En 1837, Cartier se trouvait au nombre des 500 patriotes qui fondèrent la Société des Fils de la Liberté. Je sais aujourd'hui, c'est une appellation, les Fils de la Liberté, qui vous vaudrait d'avoir Éric Duhaime, au pire, Joanne Marcotte parmi vos membres. Mais à l'époque, les Fils de la Liberté sont plutôt à gauche, contrairement au réseau Liberté qui est plus libertarien que nombreux. Cartier, en bon patriote, participa à la rébellion de 37-38 et contribue à la victoire de la bataille de Saint-Denis en apportant des munitions de Saint-Antoine, un village voisin. Là, je sais, pour les gens, la rébellion, ça dit pas grand-chose parce qu'on l'enseigne plus à l'histoire, mais ça a déjà été moins le fun que des petits oiseaux chip-chip dans notre histoire. Ah oui? Oui. Alors, après la débandade de 38, Georges-Étienne Cartier s'exile aux États-Unis où il retrouve Louis-Joseph Papineau et Ludger Duvernay qui attendent bien au chaud que ça se calme dans le très bas Canada. En 1840, Cartier revient d'exil et poursuit son train-train quotidien en rejoignant l'étude de Louis-Polyte La Fontaine, qui, avant d'être un tunnel, fut un brillant avocat et politicien. Au début, sa clientèle provient du monde rural, d'où il est issu, mais la vitalité économique de Montréal lui permet d'élargir sa clientèle vers le monde des affaires, où il devient l'avocat officiel de la Compagnie du Grand Tronc, compagnie ferroviaire qui administre la liaison Montréal-Toronto, un axe majeur à l'époque. Et vous savez que c'est le chemin de fer canadien qui sera le principal vecteur d'unification du Canada d'une marée à l'autre. Hein? Vous saviez ça? Ben, j'imagine. Et il faut dire, par contre, que les temps ont bien changé, puisque l'Ontario et le Québec en étaient la locomotive à l'époque, alors qu'aujourd'hui, la locomotive est plutôt dans l'Ouest canadien et le Québec fait la caboue derrière. Pour la petite histoire, j'ai pris mes premières brosses à la taverne du Grand Tronc à Saint-Hyacinthe, qui était une taverne. C'est tout à fait. Non, ça s'appelait comme ça. C'était à côté du chemin de fer. Oui, à Saint-Hyacinthe, ça s'appelait comme ça. Oui, et c'était un jet de vomi de la traque de chemin de fer du dit Grand Tronc. Je sais que l'histoire n'enseigne plus dans nos écoles ces choses-là, contrairement au vomi qui s'enseigne toujours. En 1846, Cartier se marie à Hortense Fabre, fille d'Édouard Raymond Fabre, le père du métro de la ligne bleue. En 1848, Georges-Étienne achète une maison à l'angle de la rue Notre-Dame et de la rue Berry, à une époque où c'est encore possible d'acheter une maison à Montréal. L'homme n'est pas parfait, malheureusement, puisqu'il aura une liaison avec Luce Cuvillier, une musicienne, fille d'Austin Cuvillier, riche marchand. Oh, la traînée. Eh oui, ça se faisait déjà à cette époque-là. Ah, ouais. Les gens s'écartillaient. Avant de se lancer en politique... Cartier aura fait ses armes comme organisateur d'élections pour Louis-Hippolyte Lafontaine. On sait qu'à l'époque, organiser des élections consistait essentiellement à engager des taupins avec des gourdins pour faire sortir le vote ou les dents dans la gueule, c'est selon. En 1848, Cartier devient député de Verchères à l'Assemblée législative. En 1949, il participe à l'adoption du projet de loi d'indemnisation des victimes des rébellions. Mais oui, mais des fois, c'est pas toujours drôle, la vie, Jean-Philippe. Ah, on peut pas toujours rigoler. Donc, on vote une loi pour réparer en fait, les victimes des rébellions 37-38, ce qui va amener à l'incendie de l'hôtel de ville du Parlement de Montréal. Ben oui, voyons donc. C'est des anglophones mécontents qui ont allumé le feu. Ben ça me surprend pas. À l'époque, c'était des anglophones qui foutaient le bordel à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, ce sont des pompiers. Non, ouais. Mais c'est ironique. Ouais. Hein? Alors, il fera par la suite une longue carrière politique. Là, je vous passe les détails. J'en vois plusieurs ici qui dorment déjà dans leur rond de bave sur leur table. Évidemment, son rôle dans la création du Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui mériterait à lui seul une chronique complète. Bon, certains le qualifient de nationaliste, d'autres de traître à la nation, ce qui témoigne bien de la schizophrénie qui règne dans ce beau pays quand on parle de notre histoire. Et je dois avouer que mes propres chroniques n'aident en rien à ce qu'on cesse collectivement d'entendre des voix. Alors voilà, Jean-Philippe, c'était mon enseignement pour cette semaine. Je suis vraiment à la remorque de l'actualité. C'est Georges de Saint-Cartier cette semaine. Je peux pas vous faire la... Hein? Il en reste juste 33. Il en reste seulement 38, oui. Ouais. 38 histoires. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est vrai. Le segment le plus passionnant. Harper, on a honoré sa mémoire. Et Philippe Couillard. Et Philippe Couillard. Non! Tout à fait, tout à fait. T'as fait mieux, même, je pense. Merci, François. Ah, mon Dieu, que c'est beau, ça. Très gentil. Et Gabriel Nadeau-Dubois a adoré. Ah, c'était passionnant. Ça me dérange pas. Moi, je m'adresse à ça. Je disais, Gabriel, réveille-toi. Je m'adresse à ça. Il y a seulement 24 ans. Il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas d'image. Alors, ouh, on est déstabilisé. Toujours est-il que Marie-Ève Dumouchel, une auditrice, nous a écrit sur Twitter. Ouf, une chance qu'il y a un canard. Merci. Voilà. Alors, on va à la musique pour votre bon plaisir et le mien. Vous savez, cette semaine, il y a eu une super lune mardi soir. Hey, mais c'était-tu beau? C'était joli. C'était-tu beau? Et c'était beau. Et il y a neigé à Calgary. C'était-tu beau? 50 cm. Alors, j'ai pensé vous offrir une chanson de Niagara qui s'appelle « Quand la ville dort » parce qu'il y a les paroles « Si la lune a comme un air de fête, si la neige ne fond pas au printemps. » Alors, je vous offre Niagara. Et encore désolé pour Georges-Étienne. Du bon vieux Niagara, oui. Quand même. Qui a pas trippé sur Niagara dans sa vie? Moi, j'ai trippé. Je trouvais la chanteuse très, très jolie, d'ailleurs. Comment elle s'appelle? Muriel Moreno. Bonjour, Muriel. Elle est vivante. Ah, ben ouais. Merci, Fred. On a eu un petit commentaire pendant la petite chanson de Christiane Campagna qui nous dit « Ce n'est pas l'hôtel de ville qui a été incendié par des manifestants anglais en 1849, mais bien le Parlement du Canada uni. » J'ai pas dit l'hôtel de ville. J'ai dit le Parlement à Montréal. Ah, ouais? Ah oui, mais après, j'ai fait la comparaison avec ce qui s'est passé. Oui, ah. Bon. Oh, les gens sont pointilleux. Non, mais t'as sur l'histoire, c'est important d'avoir les faits, j'imagine. Jean-Sébastien? Les faits sont surévalués. Oui, allez-y. Ben, y a ma mère qui vient de me téléphoner. Le comédien qu'on mélange toujours pour vrai avec Claude Préfontaine, c'est François Tassin. Oui. Ah, je sais pas c'est qui, moi, franchement. Hey, mais est-ce qu'on a dit hier que c'était l'anniversaire de votre mère? Est-ce qu'on l'a mentionné en nombre? Alors, c'était l'anniversaire de la mère de Jean-Sébastien. C'est vrai. Un beau 84 ans. Bonne fête. Bonne fête, maman. Ah, c'est le moment des sports, hein? Celui où on attend les scores, et puis Jean-Olivier fait rien de ça. Justement, on va commencer par un score, parce que c'était le match intra-équipe des recrues du Canadien qui ne joueront jamais dans la Ligue nationale. Ça vient de se terminer à Brossard. C'était web-diffusé, OK, sur le site de RDS, et 8 journalistes tweetaient ça en direct. Les Rouges ont perdu 3-2 contre les Blancs. Ben, ça me surprend pas. Ouais, hein? Ça me surprend pas. Qui était dans les buts? Vous le savez pas, hein? Quelqu'un qui s'appelle Hockey quelque chose. Hockey. Ah, gueule, ça fait. Sinon, l'Impact a perdu hier contre le Revolution de Nouvelle-Angleterre 2-1. Il avait mis sur le terrain pas mal de joueurs inconnus. Ça n'a pas dû les aider. Remarquez que pas mal tous les joueurs de l'Impact sont inconnus. Bon. Sinon, j'ai pas eu le temps d'en parler hier. C'était le Grand Prix de Formule E, comme dans Electricité. Oui. Ça avait lieu en Chine et après avoir mené tout le long, il y a Nicolas Prost et Nick Heidfeld qui se sont foncés dedans. C'est d'ailleurs le seul bruit qu'on a entendu de toute la course parce que des moteurs électriques, hein, ça fait pas beaucoup de bruit. Il y avait juste 8000 spectateurs, ce qui fait pas non non plus beaucoup de bruit. Et c'est Luca Di Grassi qui a remporté la victoire, pour votre information. Ben, c'est une information très pertinente. Sinon, j'en ai parlé hier, cette semaine était lancée Radio 9 et une des seules choses qui la différencie de Radio X, c'est la nouvelle émission exclusivement consacrée au sport de Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles Lajoie, je vous l'ai dit, c'est le poète du sport. Sauf qu'en voulant avoir l'air intelligent, il n'utilise pas toujours les bons mots aux bons endroits, comme au début de sa première émission lorsqu'il voulait vanter son show. Le ton va être tantôt dur, tantôt édulcoré, bref, à la mesure des événements. Mais le ton sera assurément toujours juste. Le ton juste n'est pas le mot juste, parce que me semble que d'avoir un show édulcoré, c'est pas super vendable. Je le sais, on a reçu plusieurs courriels qui nous disaient ça ici à soir. Mais qu'est-ce qu'il voulait utiliser, vous pensez? Ben, coloré, j'imagine. Ben voyons donc, c'était facile, coloré. Non, tu sais, mais il est fancy. Okay. En tout cas, dans le monde, des journalistes sportifs sont souvent à la merci de Canadiens, et Jean-Charles, lui, s'est donné le défi de dire toute la vérité. Il reste très peu de notions d'indépendance dans le milieu médiatique québécois. En fait, c'est pas bien ben différent du reste de notre société. Les médias sont le reflet de la gouvernance. Ils manipulent la masse pour maintenir le mur en place. Vous vous rappelez, mes aïeux? Ah oui, il aurait pu citer Chomsky, mais il a choisi mes aïeux. En tout cas, Jean-Charles est passé de la parole aux actes, donc il a embauché des collaborateurs comme Jean Perron, Georges Larac, Mathieu Darche, Gilbert Delorme, qui sont d'anciens membres de l'équipe, ainsi que des journalistes qui suivent l'équipe toute la journée, comme Yvon Penneau, Richard Labbé. Le mur en place doit presque plus tenir. Sinon, Stéphane Ouellet fera un retour à la boxe. Il va remonter dans le ring le 27 septembre. Son dernier combat remonte... Qui? Ah, je pensais que vous m'arrêtiez à cause de l'ambulance qui passait dans le... Stéphane Ouellet, votre compatriote de Jonquière. Oui, il refait un retour à la boxe pour vrai? Oui. Depuis 2004, il s'était fait péter la gueule par Joachim Alsim. Il avait tout perdu après ça. Il a connu plusieurs mois de déprime, mais maintenant, il va mieux. Et je le cite, « Aujourd'hui, sur l'échiquier de la Terre, je suis bien placé, je suis heureux. » C'est une drôle de coïncidence qu'une ambulance passe derrière nous. Au moment où est-ce que vous parlez de Stéphane Ouellet, quand même. 43 ans, quand même, messieurs. 43 ans qu'il va se marquer. Ça sera pas facile. Et la dernière fois, c'était en 2004? Oui. Et mon Dieu, il est devenu camionneur depuis. Football universitaire, le Rouge et Or de l'Université Laval a écrasé le Vert et Or hier. Ça fait beaucoup d'or. Et il y avait du football cet après-midi dans la NFL. J'ai décidé de boycotter la NFL parce qu'il y a trop de batteurs de femmes dans cette ligue-là. Alors, je m'en dis ceci totalement, mais pas Fred. Alors, Fred, je l'ai fait, nous donner des résultats. Non, mais il y a des batteurs d'enfants aussi maintenant. Ah, OK. Ouais. Alors, c'est une très, très belle ligue. Pas très à jour. Ouais. Arrêtez de parler en même temps, c'est pour être le fun. 24... Je vous donne des scores un petit peu comme ça, là, de façon édulcorée. 10, 30, 24, 26 et Détroit, Cleveland, Miami. Et là, on mélange tout ça, puis on fait nos scores, les scores que l'on veut. Non, vous avec ça. Non, mais il y a des gens qui écoutent vraiment ça, le football. Est-ce que vous aimez ça, François Bernard? J'adore le football. Bon, ben c'est quoi les scores, là? J'adore le football. Non, mais, pour vrai, c'est 24-24 entre Green Bay et les Jets de New York. Ça, c'est un bon match. Ah oui? Mais là, vous le regardez. Mes deux équipes favorites, mais à gérer de la Vos deux équipes favorites? Est-ce que vous avez le cœur déchiré? Oui, tout à fait. Mais j'aime bien les Cheeseheads. Ah ouais, les Packers, hein? Ah ouais. C'est spécial, ça. Ouais. Sinon, en terminant, mon père a fait un trou d'un coup au golf aujourd'hui. Ouais. Chapeau, papa. Alain Niquette a fait un trou d'un coup, mais bravo. Saint-Paul. Sincèrement, je trouve que de souligner l'anniversaire de la mère de Jean-Sébastien et le trou d'un coup de votre père, je trouve ça un petit peu autoréférentiel comme émission. On a parlé de la mère de Jean-Philippe aussi, il me semble, récemment. Est-ce que vous voulez parler de votre mère? Du tout. Mon Dieu, que c'est chien. Ben non, mais OK. Merci beaucoup, Olivier. C'est une émission de service, quand même. Écoutez, est-ce que vous avez des questions, Jean-Sébastien, pour François Bonardel? Mais c'est très gênant parce que j'ai aucune question pour François Bonardel. Les gens nous écrivent, mais juste encore pour des questions pour Gabriel Nadeau-Dubois. Il est détestable. Non, alors ce que je peux faire, au moins, par élégance, c'est que je peux poser des questions à François Bonardel qui, en principe, s'adresse à Gabriel. On va lui poser. Je vais essayer de répondre comme Gabriel. Ouais. OK, parfait. Allez-y. Alors voilà, une missive qui nous vient de Carl Simard et qui dit: vous pensez quoi de Lise Ravary? Alors je vous pose la question à vous, François Bonardel. Ben, Lise Ravary, j'aime mieux Éric Duhem. Oh! Non, mais là, je parle comme si je parlais de Gabriel, là. Mais si vous répondiez en tant que François Bonardel? Qu'est-ce que je pense d'Éric? Je la lis. Je la lis, comme n'importe quel chroniqueur. Vous l'haïssez ou vous l'alisez? Je la lis. Je la lisez, OK. Non, t'es embête, hein? Bon, deuxième question qui nous vient d'une Céline Inquette. Est-ce que Gabriel dort avec son veston et sa serviette en cuir ou c'est juste qu'il les a tout le temps quand il est réveillé? Ah mon Dieu, il est même pas habillé avec sa serviette puis son petit veston. Non, Gabriel, il porte rien, là. Il a juste son petit pull, sa chemise, tout ça, là. Malheureusement, je dois arrêter ces questions parce que cette sirène indique quoi, Gabriel? J'ai aucune idée. C'est la fin du match du jour! Ça indique quoi, François? C'est la fin du match. Vous nous écoutez pas. Ça indique que c'est le moment de la blague du jour. Ah là là! Le moment préféré un de moment plusieurs auditeurs. Très, très attendu. Alors, c'est un enfant qui s'en va voir sa mère et qui dit « Maman, ça fait 30 ans que t'es marié avec papa. C'est quand même pas rien. » Il dit « Est-ce que c'est un mariage d'amour ou d'intérêt? » Elle dit « C'est probablement de l'amour parce qu'il m'intéresse puis pas en tout. » Niaiseux. Okay. C'est tellement niaiseux, ça n'a pas de bon sens. Wow. Et on termine notre semaine de cette façon-là. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, de votre collaboration ce soir. Mais surtout, merci à François Valardel. Plaisir. Et si vous avez une envie folle de participer au projet qu'est la CAQ et vous aimez Lévis, ben envoyez un courriel à François dès que possible, hein, parce que c'est en train de se remplir rapidement. Gabriel Nadeau-Dubois, merci de votre passage. Libre d'apprendre, merci, plaidoyer pour la gratuité scolaire, ben, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Hein. Oui, dans toutes les bonnes librairies. Merci de votre présence à tout le monde. Merci à tout le monde ici ce soir. Merci aux gens qui sont à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe aussi. Hein. Ah oui. Samedi prochain, 17h. Bye.